C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin nous visitera en tant que nouvel agent libre dans son segment Butin Gartin. Et on déballera quelques derniers cadeaux dans la chronique gadget. Ça existe et ça ne devrait pas là. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 6 janvier 2016, 111 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Hey, ça va bien et toi? Ça va extrêmement bien parce qu'on accueille 2016 avec une de nos nouveautés épiques pour le mois de janvier. C'est notre chanson thème de Vanesse Parietta, remaniée par Renard Frac. C'est une des nouveautés qu'on a pendant un mois. Il y en a plein d'autres. Pensez pas que c'est le nouveau son de l'émission. Non, parce qu'on a travaillé fort, là. Ah, on a travaillé fort, en effet. Je te dirais, j'ai regardé sur Facebook récemment et j'ai commencé le processus de création autour de ça. Ouais. En août 2013. Oh mon Dieu, quand même, ok, ouais. Pour essayer d'avoir quelque chose de nouveau, ouais, c'est ça. Ça a pris 2 ans et demi, c'est comme ça dans le domaine de la radio. Bref, soyez là tout le long du mois de janvier pour plusieurs nouveautés épiques. On appelle ça le mois janvier épique. Janvier épique, oui. Le dernier janvier épique qu'on a fait, c'était en janvier 2013, donc okay. Ça fait 3 ans qu'on avait eu un autre mois où il y avait des nouveautés à chaque jour. Mais pas nécessairement à chaque jour ce mois-ci, mais quand même. Quand même. On a travaillé fort. Du moins, t'as travaillé fort. Prends le crédit. T'es aussi important dans cette émission-là que merci, moi. Merci. Donc, c'est notre première émission de 2016. Il y en a qui vont se dire, Caroline, la session commençait hier, il me semblait. Mm-hmm. En effet. C'était hier, hein? C'était hier, ça commençait. Et on a fini l'émission une journée avant que la session finisse à l'automne. C'est vrai. Mais que voulez-vous? On avait des jours de congé payés selon la convention collective inexistante de C'est fou. Et hein? Voilà. Pas le choix. Mais là, on est de retour et on parle pas d'autres congés, je pense, d'ici la fin du mois d'avril, sauf peut-être Pâques. Peut-être. Mais sinon, on n'est pas au courant. C'est ça. On est pas mal là tous les matins, du lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30. Tania, aujourd'hui, évidemment, on a un plan, là. On n'a pas juste une nouvelle chanson thème. Non, c'est ça. Ouais, aujourd'hui. Toute l'émission, c'est la nouvelle chanson thème. Fait que sur ce. Profitez-en. Une des. Oui. Pas dire que c'est la nouvelle chanson thème. Non, c'est une des. Une des. Donc aujourd'hui à 8h, on va voir Sébastien F. Gartin et sa chronique bulletin Gartin. Il va nous parler d'actualité. Lui qui est maintenant agent libre, il n'est plus éditorialiste au journal Zone Campus. Mm-hmm. Donc il va nous partager quelque chose dans l'actualité mondiale, je te dirais, vers les 8h. Ah ouais, tout ce sujet-là. Ah, j'ai aucune idée. Non, mais on a une bonne idée avec Seb en temps normal. Ben c'est ça. Puis même si c'est local, ça reste que c'est dans l'actualité internationale parce que... Ça crée toujours de très beaux débats entre nous. C'est ça. On fait partie du monde. Et voilà. Et voilà. On a ta chronique à toi, Tania. It's gonna entertain you. Qu'est-ce qui s'en vient? Mais c'est le retour des fêtes, donc ça veut aussi dire essayer de se retrouver. Peut-être pas de se retrouver mentalement, mais peut-être plus du côté du corps. Ah. Il y en a qui souffrent de la grippe, peut-être du rhume. Une sinusite, exemple, mettons. Ouais, peut-être. Mettons, exemple. On va dire des affaires demain. Il y en a qui ont abusé durant le temps des fêtes, que ce soit de l'alcool ou de la nourriture. Exemple, mais de ton bar, ça c'est... Ben, ouais, mettons. Ouais. Peut-être moins de la nourriture cette année, mais... en tout cas, on va vaguer autour de ça un petit peu ce matin. Aussi un petit peu autour des résolutions, on en avait parlé un petit peu avant les fêtes, mais je vais faire un bref retour ce matin. Une illusion. Ouais, et voilà. Aussi à l'émission d'aujourd'hui, on va s'acheter des gadgets inutiles dans Sexy, mais ça ne devrait pas. On débute dans quelques instants avec la liste des choses à célébrer pendant le mois de janvier. Oui! Comme on le fait traditionnellement chaque mois. Mais avant ça, on écoute une pièce des Dead Obies. Ah oui, l'année 2016 commence! Lol! Ah ouais! Sur C'est fou 89 FM. C'est ça que vous attendiez tout, ain't it? Coupe de gros mots, coupe de girls, coupe de moët. Coupe de haters qui peuvent plus d'attendre pour hate. Mais c'est bien chill, fragile, y'a pas un gros mec qui dégèle. Et puis that's it, on se cassera pas le PC. Brigitte, French frogs gon' rip it. Fête au Québec, tu dis tu veux pas make it. À moins que tu fake it, fuck it. T'es une sorte de neck Champlain à remonter le Saint-Laurent. On est 6 d'un V6 contre 100 sur Saint-Laurent. Le temps c'est vous de flotter des boys, it's really good. Règle de chance et si t'es peur et t'es gay, it's in my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. headlines, suck a D, I'm working on my truck. Check, life's a bitch when you look at that. Many cocks in edge, lap it, baby, double that, chump. Front, moi, les Hawaii à gauche. Ou ben non, sac ma flip, puis joue-moi de la musique à bouche. Chump, chump the fuck, scotch, take mon affiche up. Get it up there, boy, fait comme dans un snap and chump. Chump, chump. Ah ouais, jump up the tour bus, baby, j'ajoute la tune au ballon, j'en retourne au Starbucks. Living on a road, booty naked dans un car wash. So fresh, so clean, bitch, ta cousine était starstruck. Ça fait qu'on frappe le hit parade, on célèbre ça, can back, puis une douche de Gatorade, homie. Got the juice, we be sipping Tanqueray, cause every day my birthday, hip hip hip parade. Dead Obies! Ah ouais! Ah ouais! Hey, parle-nous ça, cette émission-là, Assemblage Rocky! Hey, yo, yo, yo, yo! Hey, on va faire une chronique vraiment mollo pour commencer l'année, là, quelque chose de vraiment facile. Voici son foutu palmarès. Je suis maintenant à la baisse. On oublie fait son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Cette fois-ci, Tania, comme on le fait à chaque fois qu'on fait cette chronique-là, parce qu'on n'a plus le temps de la faire bien souvent. Mm-hmm. Avant, on la faisait tous les jours, il y avait plein de sujets. Là, c'est une fois par mois, à un moment donné. Donc, on va se faire la liste des fêtes à célébrer pour le mois de janvier. OK. Avant que Facebook te le dise dans son truc de statut, genre c'est la journée du café, écrivez quelque chose là-dessus. Ouais. Avant que Facebook vous le dise, vous allez pouvoir dire que vous l'avez entendu à Assemblage Rocky avant. Okay. Commençons par le 1er janvier, qui était la journée du Z. Ah. Une fête qui est supposée reconnaître les gens qui ont un prénom qui débute par Z, donc qui sont souvent à la fin d'une liste. Au mois de janvier, ils sont les premiers. Ah, c'est si bien dit, les derniers sont souvent les premiers. C'est ça. Hey, as-tu entendu parler de la madame qui a eu deux enfants jumeaux, un le 31 décembre, puis l'autre le 1er janvier? Ben oui, toi! Ah. Hey, ça, c'est de l'insolite, hein? Ça, hein? Ça a fait le tour de Facebook au moins 14 fois. 2 janvier, c'est la journée Happy New Year pour les chats. Il y a donc des journées de chats, ça a comme aucun bon sens, il y en a une par mois. Je sais pas, c'est comme si genre Internet tripait ses chats, je sais pas si c'est nouveau. Je me demande bien. Donc, Happy New Year, j'aime bien ça. Pour les petits chats, hein? Encore. Ensuite, 3 janvier, Memento Mori Day. Okay. Memento Mori, c'est du latin qui veut dire « souviens-toi que tu vas mourir », hein? Ah, ben oui, évidemment. C'est la façon de commencer une année que de considérer... inévitable, si on veut. Ben oui, le fait que tu vas mourir, point. Voilà. Est-ce que ça veut dire que cette journée-là, tu peux faire tout ce que tu ferais pas en temps normal parce que tu sais que tu vas mourir? Ce serait une bonne excuse pour le faire, je pense. Ça fait que si tu veux cambrioler une banque, le 3 janvier. Tania et ton esprit tordu. Excusez, c'est parce que j'ai écouté beaucoup d'émissions qui volent des banques durant le temps des fêtes. Ah, on en reparlera? Ben oui. 4 janvier, la journée nationale du trivia, donc les faits divers, un peu comme on fait dans C'est un fait, notre chronique ici à Assemblage Rocky, donc c'est la journée où on explore des faits insolites. Hey, j'ai joué à ça hier. Trivia. Trivial Pursuit? Oui. OK. Hey, je parle, les questions sont quand même assez tough. Ah hein? Oui, mais ça dépend de la catégorie. C'était pas fort en histoire, c'est sûr. Que. Tu sais, puis en géo, là, mettons. Là. Ouais, mettons. Tu sais, mettons que j'ai coulé ça au primaire. Là. Moi aussi. Au primaire, il n'y avait pas ça. Mais hey, il y a des questions qui sont vraiment difficiles, du genre en 1700 quelques. Ouais. Faut que tu te souviennes le nom d'un général 250 ans avant Jésus-Christ. Hey, j'étais pas né, là. Moi, hier, j'ai répondu général Tao. À chaque question. Moi, c'est ça, à chaque question. Ben, général Tao. Le 8 janvier, c'est la journée de l'argile. Donc, c'est un pattern, c'est comme un équivalent des patterns. Donc, par exemple, bon, des bas carottés, des bobettes à point, quelque chose comme ça. Donc, regardez. Ensuite, le 16 janvier, c'est la journée où on apprécie les dragons. C'est. Ouais. Et c'est le même. En fait, c'est drôle parce que l'aigle chauve Bald Eagle. Oui. Deux journées, Bald Eagle Appreciation Days, qui est le 16 et le 17 janvier. OK. Mais le dragon, c'est seulement le 16 janvier. Oh, OK. Choisissez votre barre, qu'elle soit une bête réelle ou imaginaire. Vous avez le droit de célébrer quand même. Quand même. C'est un dur choix. Pourquoi deux jours? Souvent parce que c'est l'emblème américain. Ah, peut-être. Deux jours. T'sais. Mais Martin Luther King a juste une journée, lui, par exemple. Ouais. Hein? Le 16 janvier, c'est la journée nationale du rien pantoute, National Nothing Day. Créé par Harold Pullman Coffin, qui travaillait pour un journal. Mm-hmm. Donc, c'était une raison de donner aux Américains une journée nationale où ils pouvaient juste s'asseoir sans célébrer, sans observer rien, sans rendre hommage à personne. Évidemment, en hommage à cet homme, on a une journée pour rien faire. C'est une célébration quand même, même si c'est mais qui décide hein, que ces journées-là sont approuvées? Parce que clairement, il ne s'est pas parlé. Là. Non, c'est ça. Le 16, c'est la journée du dragon, puis c'est aussi la journée du rien. C'est ça. Mais tu sais, il y a des journées qui sont proclamées des fois, il y a d'autres qui sont auto-proclamées, il y a des trucs politiques, il y a des hommages à des gens, il y a plein de façons de je suis d'accord. De mettre des fêtes sur le calendrier. Évidemment, on manque de place à un moment donné dans chaque case. Hein, le 20 janvier, c'est la journée nationale dont se débarrasse des diètes et des gimmicks diététiques. Ah, ben, c'est comme un cheat day, mettons. Ouais. C'est la journée où t'as le droit de... De manger ce que tu veux. Ouais, de manger... C'est ça. Ouais, puis de pas aller au gym, puis de faire ce que tu veux. T'avais une résolution, évidemment, au début du mois de janvier, et le 20, c'est la journée où tu les abandonnes. C'est ça. Bon. En temps normal, c'est là où les gens abandonnent leur résolution. Un petit 3 semaines. Ouais. Je pense, ouais. Ensuite, le 21 janvier, c'est la journée nationale du câlin, National Hugging Day. Oui, une bonne journée pour ceux qui aiment faire envahir leur espace personnel. Le 22 janvier, c'est la journée Answer Your Cat's Questions. Répondez aux questions de vos chats. Ah, hein? OK, si oui, parce que les chats ont beaucoup de questions, bien évidemment. À part se frotter sur toi, il n'y a pas grand question là-dedans. Non, c'est ça, mon mais quand même, une opportunité de se demander, peut-être, quelles seraient les questions de votre chat s'il en avait. Hein? Hmm. Le 23 janvier, la journée nationale de la main d'écriture, ou l'écriture à la main. Donc, lâchez votre ordinateur, sortez votre papier et votre crayon et pleurez, parce que c'est donc difficile d'écrire en lettres attachées de nos jours. Très. Hein? Profitez ça pour écrire une lettre à quelqu'un. Là. Faites pas comme la personne sur la photo sur assemblagerequis.com. Faites donc vos lignes droites. Ah oui, faites ça. Croche son histoire, franchement. Ça n'a aucun bon sens. Ah, le 23 janvier, c'est la journée nationale de la tarte. Ah, OK. Ouais. Si vous pensiez que le 14 mars, hein, 3-14, était Pie Day, la journée de la tarte, étant donné le Pi, pays. Ouais. Parce qu'on célèbre aussi Pie Day le 14 mars. Mais non, il y a une autre sorte de fête de la tarte, mais littéralement PIE dans ce cas-ci. On peut célébrer évidemment tous les jours en mangeant de la tarte n'importe quand, mais plus de tarte encore le 23 janvier. Hein? Ben oui. Ça, c'est sûr que c'est pas de refus, hein. Non, c'est jamais bébé de refus, hein. Une pâtisserie rarement de refus. C'est vrai. Le 24 janvier, c'est la journée du snowplow mailbox hockey. Hein? OK. Donc, c'est. C'est la journée où on rend hommage aux boîtes aux lettres qui vont se faire ramasser par les charrues. Hey, il y en a beaucoup hein, qui se sont fait ramasser leurs affaires ces derniers jours, mettons. C'est trop proche de la rue. Il faut reculer votre boîte aux lettres. Ça ou les gens qui conduisent les ramasse-neige. C'est ça. Faites donc attention. Ouais, mais en même temps, t'sais, ils se mettent des petits bâtons pour suivre la délimitation, ouais. De ta cour, mais si ta boîte aux lettres est devant le poteau. Ça, je suis d'accord. J'ai un ami qui s'est fait ramasser tout le derrière de sa voiture. Je pensais que c'était fait ramasser derrière. Il y a une semaine... non. Mais il y a une semaine, la ramasseuse de neige ouais. est partie avec le dos de son char. Aïe. Ben, t'as deux chars dorénavant. Hein? Ben oui, évidemment. Le 24 janvier, c'est Belly Laugh Day, le jour du rire qui vient du ventre, tu sais, qui vient de creux, un gros rire gras. C'est ça. C'est plus un défi, évidemment, qu'un hommage qu'on rend à notre rire, parce que comment se faire rire de la baleine? C'est du ça. Il n'y a pas grand-chose de nos jours qui fait rire. À part rire le Père Noël. Oui, mais lui, c'est du fake. Non, mon. Penses-tu vraiment qu'il est aussi de bonne humeur que ça pour faire des gros rires gras de même? Ah, ça. C'est un acteur. Non, mais toi, t'es un grincheux. Ah, je sais pas. Le 24 janvier, c'est la journée nationale du compliment. Ah, ben oui. Des top là pour tout le monde. Tout le monde va bien. Tout le monde fait du bon travail. On se complimente. T'es donc bien belle, Tania. Ah, t'es donc bien beau, Mathieu. Ah, merci. Je le crois. T'es aussi bonne actrice que le Père Noël. 25 janvier, la journée de l'appréciation du bubble wrap. Ah, ben oui. Ah, hey, oui. Ça, c'est une très grosse appréciation de mon bord, honnêtement. Oui, apprécié dans le sens que t'aimes ça faire péter ça. C'est... Sérieusement, y'a-tu quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qui pète ça, qui devient pas heureux après? Ben, les seules fois où je suis de mauvaise humeur, c'est quand je me rends compte que de nos jours, l'emballage bulle comme ça, y'en a plus ben. C'est vrai, par exemple. C'est des grosses bulles d'air que tu peux pas vraiment péter à moins de faire un gros boom. Ils sont plates. Pourquoi ça existe plus, hein? Je sais pas, c'est vu que c'est trop cher. Ils devaient faire des trous dans la couche d'ozone. Peut-être. Ou sinon, ben, je sais qu'il y a une marque de commerce, hein, Bubble Wrap, il y a un petit air dans un rond à côté, donc peut-être que pour avoir la permission d'utiliser, il faut payer les droits. Peut-être. C'est aussi la journée, le même jour, le 25 janvier. C'est la journée Room of One's Own Day. C'est l'anniversaire de Virginia Woolf. Ah, OK. Voilà. L'auteur de livre. Oui, le 29 janvier, c'est la journée des grincheux. Ah, ben, Colin. Ah, ben, Mathieu, le 29, ça va être ta journée spéciale. Et c'est drôle parce que c'est la journée spéciale aussi où ils mettent une photo sur assemblagerequis.com d'un chat persan pareil comme mon chat. Un chat persan grincheux et moi, je suis grincheux. Oui, souvent. Ça va très bien ça. Mais on sera pas en onde, fait que je pourrais pas te dire en onde. C'est un quel jour? C'est un vendredi. Ah, c'est dommage. On a des meilleurs moments. Peut-être que la semaine précédente, on fera des mentions de ça. Peut-être. Pour que la reprise du vendredi fonctionne. On devrait faire ça. Et voilà. C'est aussi, c'est drôle que ça aille ensemble, mais c'est aussi la journée Fun at Work Day. Donc la journée où on a du plaisir au travail. Je sais pas pourquoi c'est la journée des grincheux en même temps. C'est vraiment très, très contradictoire. Controversé même. Ouais. Et vous, qu'en pensez-vous au Québec? C'est difficile à dire, hein? Envoyez-nous sur Twitter, hashtag le Québec en a rien à cirer, c'est ça. Je me suis fait rire avec ça. Ne t'étouffe pas. Trop tard. L'idée, c'est qu'il faut pas que je rie. C'est ça l'affaire. C'est ça. Pas de gros belly laugh day. Hein? Ah. Le 30 janvier, c'est la journée nationale seed swap. On va s'échanger nos graines. On a échangé nos graines cet automne à Calavie. Hein? Sérieusement, ça, c'est pas... ça porte à confusion. Donc, le mois dernier, en décembre, on avait échangé des biscuits. Il y avait une journée pour ça. Et là, cette fois-ci, on échange nos grains, nos blés, avoine et autres pour peut-être faire des muffins de la sorte que l'autre personne t'amène tes graines de. Hein? Ouais, bon. Hein? C'est peut-être pour les cultivateurs seulement. Peut-être aussi. C'est comme faire un échange de ce que tu cultives. Eh. On va essayer de le dire de même. C'est ça. Bref, vous allez devenir des pros là, de la graine. Des proxénètes. En tout cas. Tu sais, y'a-tu juste moi que ça rend mal à l'aise ce mot-là? Ah, que t'es donc ben prude! Ben là, je suis pas prude, là, mais là... Ah! Moi, je te trouve prude. Bon. Hey, on a célébré assez de fêtes pour le mois de janvier, c'est pas pire, ouais. Ça? Ben oui. Mais ben oui. Mets ça ton agenda. Une heure c'est qui va sonner à tous les jours. Ah, oh, t'es au crayon avec ton agenda, toi. Ouais. Honnêtement, j'ai de la difficulté à garder mes choses dans un agenda électronique ou mon cellulaire. Mais tu traînes tout le temps ton petit cahier? Bien souvent, mon petit cahier va être avec moi. Ah oui? Bon. Dans ta poche? Dans ma sacoche. Dans ta sacoche. Bon. Ouais. Tu vois. Mais je la regarderai pas. Ouais. Ben, il faut que tu te laisses une note pour te dire de regarder ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de calendriers dans la vie. Parce que j'essaie d'en avoir le partout. D'optimiser. C'est ça. Bref, hey, l'autre fois, on avait parlé du fait que tu avais appris récemment, grâce à moi, comment couper tes oeufs avec ta main gauche. Là. T'étais à l'envers, tes parents sont des droitiers, t'avais montré comment couper tes oeufs, etc., etc. L'histoire, c'était à peu près ça. Mais là, je regarde, t'écris avec ta main gauche aussi dans les airs. Ouais, je suis gauchère. Même quand tu mimes un crayon. Oui, je mime un crayon. Mais étrangement, ou une baguette magique. Ou une baguette Harry Potter. Et mais ouais. De l'autre côté, ta souris, t'as laissé à droite. Ouais, je sais, je suis pas capable de fonctionner ma souris à gauche. Mais les gauchers, d'habitude, leur souris est à gauche. Je sais. Même. Je sais. Une remarque. Je suis ambidex. Ah, voilà. Je suis capable de faire des affaires avec mes deux mains. Oh yeah. C'est dommage que ça tombe pas sur la journée d'il y a deux jours, la journée nationale du fait d'hiver. Oh, c'est là. C'est pas ça. Ouais, non. Ça aurait été malade mental. Ça aurait été malade. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a pas de fête. On n'a pas mentionné de fête aujourd'hui. Malheureusement. Non. Ah, attends, y a-tu des fêtes? Non, y'en a pas. Le 6 janvier, rien. À part le retour en ondes d'Assemblage requis et une des nouvelles introductions de l'émission. Oh! Voilà, oui. Donc c'est tout pour cette chronique de Son Foutu Palmarès. Les liens sont sur assemblagerequis.com avec des petites photos pour appuyer mes propos. Avant de continuer avec une autre chronique, celle de Sébastien F. Guertin et Butin Guertin, on y va avec Dilly Dally et un extrait du palmarès anglophone. C'est pour les grincheux, on leur dédie ça. Voici Purple Rage. Ça, c'est fou. 89 FM. Dilly Dally et Purple Rage à Assemblage Rocky. Au retour, Sébastien F. Guertin et son butin Guertin, restez là. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage Reiki. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Toujours à son âge requis, toujours en ce mercredi 6 janvier 2016, il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, sur nos nouveaux retours, nouveaux enrobages. Oui, il va en avoir plein. Ce n'est pas le seul nouvel environnement qu'on a. Donc celui-là est par Renard Frac. On va le mentionner deux fois par émission en général. Donc pour les remercier, Renard Frac, sur une chanson thème évidemment, à l'origine de Valence Pariétaire. Pendant les fêtes, Tania, étant donné que c'est la première émission de la saison, on peut bien parler un petit peu de ce qu'on a fait pendant les fêtes. Tu as regardé beaucoup de séries, je crois. Oui, bien, c'est comme une tradition, en fait, de mon côté. Durant le temps des fêtes, le 25, en temps normal, lorsqu'on était jeunes, on recevait beaucoup de films, mon frère et moi. Alors, on écoutait les films qu'on avait reçus le 24 au soir ou le 25 au matin. Mais cette année, on n'a pas vraiment regardé... bien, en fait, on n'a pas vraiment reçu de films. Donc, le 26, je suis allée au Boxing Day et je me suis fait plaisir. J'ai acheté quelques séries télévisées et là, ça a été vraiment un marathon durant le temps des fêtes. Moi, je parle beaucoup anglais. Mes parents parlent anglais. Ma mère, plus ou moins, je te dirais que mon père. Mettons, sous-titres. Mais là, je l'ai tenté à écouter Gotham, la série qui parle évidemment de ce qui se passait avant Batman dans le temps. Puis, je pense qu'elle a beaucoup apprécié malgré le fait que la série était seulement en anglais. Parce que moi, c'est pas vraiment quelque chose que je regarde sur le boîtier parce que je me dis automatiquement que je parle anglais. Tu as regardé le gars de D.O.C. sur la couverture, je pense. Ben non, même pas. Je me suis juste dit, je veux regarder ça. Fait que, okay. C'est ça le bonus d'avoir le gars de Newport Beach. Exactement. Hein, mais moi, c'était même pas mon préféré. Moi, c'était Adam Brody. Ouais, ben je sais pas. Mais bon, comic book guy. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que les méchants dans Batman étaient avant. Donc, tu sais, on va voir, pas l'invention, mais la création, mettons, du pingouin, de la femme chat, du Joker, Enigme, je me souviens plus c'est quoi son nom en français. Ouais, The Riddler. Ouais, The Riddler en anglais. Le devinateur, ouais, l'énigmeur. Ouais, je sais pas trop comment dire. Mais c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis de voir Bruce Wayne quand il était jeune, mon Dieu. Et je dois dire que Alfred est tout un badass dans Gotham. C'est le meilleur depuis toujours. Il est tellement sous-évalué, celle-là. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il montre qu'il descend des poteaux là-dedans, non? Mais là, c'est avant Batman. Là, j'ai fini la saison 1. Et j'ai su que la saison 2 allait revenir simplement en février en anglais. Ouais, la deuxième partie de la saison 2, je crois, c'est ça? Je sais pas si c'est la deuxième partie de la saison 2 ou la saison 2 qui va commencer. Il me semble que la saison 2 a déjà commencé, mais bon. Mais je dois t'avouer que j'ai du rattrapage à faire du côté de la saison 2 si elle est commencée parce que c'est addictif, là. Ah, ça crée une dépendance, c'est accrocheur. Ouais, très accrocheur. La saison 2... T'as un peu. Écrire mes résumés sont vraiment longs. Waouh, les gens se tapent des grosses gens. Ça a commencé en septembre, la saison 2, donc la deuxième partie va commencer. Bon, ils font ça en phase des séparés en deux. Ouais, c'est ça. Avant, après les fêtes. Voilà. Il y a aussi la série Arrow que j'ai commencé à regarder. J'avais débuté il y a quelques années, je dois l'avouer, lorsque j'habitais encore à Montréal. Quand je suis déménagée, j'ai comme arrêté d'écouter plusieurs séries. Ouais. Puis quand je suis revenue, là, je me suis dit pourquoi pas. Donc, on s'est mis à écouter ça aussi. C'est très, très bon, ça. C'est aussi. Sur un kick de super-héros, là, faut le dire. Non, je dois dire que j'ai toujours été sur un kick de super-héros. Okay. Moi, tu sais, ça, puis le FBI, là. Ça, puis les courses de char. Ça, puis les courses de char. Trois affaires. Au moins, on a quand même plusieurs facettes de ta personnalité. Là. Oui, oui, définitif. Si vous voulez gagner des points, déguisez-vous en Superman. C'est ça. De mon côté, j'ai écouté Making a Murderer. Il me reste un épisode et demi à écouter. C'est sur Netflix. Tout le monde en parle sur les internets. C'est une série où on suit un présumé tueur. OK. Qui a été faussement accusé. Finalement, il y a plein de choses qui se passent avec ça. Il y a plein de revirements de situation. Chaque épisode finit sur un méga punch. Ouais. Mais c'est vraiment super bon. Faut absolument rien dire. Si vous connaissez quelqu'un qui regarde ça, dites-y pas plus que ce que je viens de dire là. Okay. Un présumé tueur. C'est tout. Le reste, 10 épisodes d'une heure environ. C'est des quand même longues heures. Quand c'est quand des même, 40, quand même, c'est des bonnes heures. Et puis, non, c'est super bon. Il m'en reste un et demi à écouter. Puis, je suis vraiment sur le bord de mon divan à chaque fois que je l'écoute. Là, c'est malin. Making a Murderer, créer un meurtrier. C'est en français et en anglais. Ah ouais, OK. Avec sous-titres en français et en anglais. Donc, vous pouvez faire la combinaison que vous voulez. Vous pouvez écouter en espagnol avec les sous-titres en allemand. Ça ne me dérange pas. Ah, c'est hot. À ne pas confondre avec How to Get Away with Murder. C'est ça. Non, ça, c'est un téléroman, genre. Ouais, c'est comme une série, là. Série. C'est très bon, ça aussi. Mais toi, c'est Creating. Non, c'est Making a Murderer. Making a Murderer. Ouais, seulement sur Netflix? Seulement sur Netflix en ce moment. Okay. Ouais. Il y a plein de séries sur Netflix qui sortent plus tard ailleurs. Mais là, pour l'instant, c'est sur Netflix. 10 heures, ça se regarde bien. En peut-être 2-3 fois. C'est des acteurs connus? C'est pas des acteurs, c'est un documentaire. OK. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un vrai présumé meurtrier. Okay. Ah, j'avoue, c'est important de le dire, j'avais pas dit que c'était un documentaire. Ouais. C'est un peu, tu sais, si tu connais Dateline ou 2020 ou les trucs de meurtre comme ça, c'est un peu ça, mais en plus long et plus exploré en profondeur. C'est vraiment filmé, ça a été filmé sur une période de 10 ans. Oh, quand même! Environ, un petit peu plus de 10 ans, donc suivez ça, c'est très, très, très, très, très bon. Hmm. Et faites comme moi, écoutez-le avec la description audio. C'est encore plus facile à suivre. J'adore ça. Non seulement elle décrit générique, genre oiseau qui s'envole au-dessus d'un ciel bleu. Ouais. Elle fait tout ça, mais en plus, elle dit les noms des gens et qu'est-ce qu'ils font. Comme ça, t'as pas besoin de regarder en bas de l'écran sans cesse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. OK. Il y a vraiment énormément de personnages. Mais chaque épisode est par rapport au même présumé meurtrier. C'est ça. C'est le même gars pendant les 10 épisodes. OK. C'est pas comme CSI où ça va changer. Non, c'est ça. OK. Un documentaire de longue haleine. Donc, je vous suggère. Ah, c'est intéressant. Voilà. On mentionne d'autres affaires qu'on a fait pendant les fêtes une autre fois. On va sûrement les explorer un petit peu plus que ça. On a 10 épisodes d'une heure à faire. C'est des 2 heures. On a une demain. C'est ça, à tous les matins. Donc, restez à l'écoute dans quelques instants. On vous l'avait promis tantôt. Il est arrivé enfin. Sébastien F. Gartin et son bulletin Gartin. Mais avant ça, voici Mas Lime et I Always Get What I Want. Ouh, 89 FM. Pièce chou frisé de Mas Lime, c'est mon erreur et mes excuses. Moi, je me disais, parle pas trop de what you want. What you want? What you want? Non, elle parle de chou frisé sucré. Ouais, c'est ça. Bref, vous êtes Assemblage Requis, notre chou préféré, celui sur lequel on mettrait un chou sur sa tête pour se le servir en cadeau. C'est Sébastien F. Gartin, voici Bulletin Gartin. « Bonjour Sébastien Pierretin. Bonjour, je suis ma foi flatté de cette introduction. Ah, c'était beau. Hein? C'était soit ça ou un léchage de bottes. Mais ben, ça dépend de ce qu'il y a avant, ça dépend du contexte. Je me sentais comme une pin-up qui sort d'un gâteau dans un bachelor party. J'ai entendu pin-up et je trouvais ça bizarre. Bref, désolé. Serre tes gains. Je m'excuse de l'image pour ceux qui savent de quoi j'ai l'air. Bref, Sébastien, tu nous as dit bonne année. Tu es le premier chroniqueur de la saison hivernale 2016. Je suis encore flatté de cette opportunité. Je vais en profiter pour vous proposer une revue de l'année 2015. Ah, ben, quand même, tu vas faire un de toi. Et oui, parce que, en fait, ceux qui s'en rappellent, j'ai fini l'année 2015, ma dernière chronique de l'année 2015, dont la date m'échappe. Mm-hmm. Ceci étant dit, j'étais pas mal l'an dernier, je pense. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Parce que vu que je suis le mardi. Ouais. Non, j'étais pas. Non, finalement, en fait, j'étais la semaine avant même. Ouais, mais je pense qu'on a pas eu beaucoup de chroniqueurs après toi, mettons. Parce que fin de session oblige. Il y a eu Fred Bernard, je pense, mais c'est pas mal tout, il me semble. Ah, l'année passée, en décembre, ouais. Il y a eu Marie-Laurence. Ah, t'as Audet. Raison, Marie-Laurence, qui est venue. T'as raison. Je pense que c'est tout. Mais, de toute façon, Marie-Laurence, elle compte pour trois tellement elle parle. Mais. Elle prend de la place malgré le fait qu'elle mesure. C'est ça. Mais c'est une qualité, c'est en fait. Ouais, puis que son nom sur Facebook, c'est Poiplume, je pense. Ouais, ouais. Mais c'est effrayant. Comme... Bref, on fera l'éloge de Marie-Laurence une autre fois. Mais oui, elle qui est partie. C'est ça. Hey, je m'excuse, je suis dedans matin. Ben oui, on est tous dedans, on est comme tous contents. Pis, je me suis préparé du stock en plus. Bon. Parce que, bon, il y a personne ça. Après toi, tu peux dépasser. Ouais. Ah ouais, Fred n'est pas là. Pas. Ah, c'est triste, ouais. Ça. Je vais être obligé de toffer jusqu'à 9h30. non, je vous ferai pas ça quand même. Donc, c'est ça, pour revenir à ce que je disais, j'ai fini l'année. Ma dernière chronique de l'année 2015, c'était un qu'est-ce qui va se passer en 2016, oui. Qu'est-ce qu'on devrait guetter en 2016. Donc, question d'être concept, là, je reviens sur ce qui s'est passé en 2015. Je fais un peu le contraire de tout le monde, dans le fond. Correct, ça. T'es à l'avant-garde et à l'après-garde. Ouais, c'est ça, on peut dire. Je suis bien en avance puis bien en retard, jamais entre les deux. Tu fais de bien, c'est fou, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Donc, sans plus attendre, j'ai appelé ça mon palmarès des pires niaiseries de 2015. Dans un esprit très infomanien. C'est un palmaniaise. Un palmaniaise. Oh, oh, hashtag. Ma jeu de mots 2015. C'est ton... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ton premier jeu de mots là, oui. De l'émission? Oui, en 2016. Célébration. Wow. C'est le Bullshit Go Time. C'est comment? Ça mérite un wow à la Denis de Relais. Wow! Bon. Voilà, c'est fait. Donc, sans plus tarder, j'ai un top 15, mais il y a des points, des sous-points, là, mais en tout cas, ça va être un top 15. J'imagine qu'il y a des sous-points avec il toi. Il va y avoir des salles et des parenthèses aussi. Le premier va nous permettre de faire une pas pire chire. Vous allez voir ces concepts. Le harakiri de Volkswagen. Oh shit! Pour ceux qui ne savent pas, ce que veut dire un harakiri, c'est un suicide rituel japonais quand ton honneur est brisé. Je trouve que ça fit beaucoup avec ce qui est arrivé à Volkswagen cette année. Ah, ok, je pensais que c'était vraiment littéralement l'épée dans le ventre, que c'était ça la règle. Ben, c'est ça. C'est exactement ça, c'est le même qu'ils font en fait. Ok. Ça, c'est ce que tu viens de décrire, c'est le comment, le pourquoi, c'est quand un samouraï a lui-même fait quelque chose qui a sali son honneur et qu'il pense pas qu'il peut le racheter de son vivant, il met fin à ses jours. Je pense que Volkswagen a fait quelque chose d'un peu dans ces cordes-là avec le scandale des émissions, on se rappelle. Dans le fond, Volkswagen avait programmé certains de ses véhicules, la plupart, en fait, c'est diesel, pour qu'ils fassent des fosses qui apparaissent moins polluants qu'ils sont vraiment sur les tests d'émissions, les émissions toxiques, dans le fond, là, qui sortent en arrière de l'auto. Ce qui a scrappé complètement la réputation de Volkswagen du jour au lendemain. Le PDG a démissionné. Il disait qu'il était pas au courant, mais il disait que c'était son style de gestion qui a mené à ça. Bref, mon char vaut plus rien. Merci, boss. Donc, c'était le numéro 15. Le numéro 14. Bon, on va se rappeler, il y a eu l'année 2015 a commencé et a terminé avec des attentats à Paris. C'est vrai, t'as raison. Ce qui est assez spécial quand même. Une parenthèse qu'on souhaiterait ne pas avoir. Une parenthèse qu'on souhaiterait ne pas avoir, mais mon numéro 14, c'est que il y a eu une grande marche qui a été organisée suite à l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris. Et ça, c'est celui du début de l'année. Ouais. Une grande marche pour réaffirmer l'importance de la liberté d'expression. Mmh. Puis, bon, on a vu plein de chefs de pays totalitaires qui marchaient pour la liberté d'expression dans cette marche-là. Ironique un peu. Hein? C'était un peu drôle. Mmh. Tu sais, de voir le roi de l'Arabie Saoudite qui est là, puis que la veille, il avait fouetté Raif Badawi, parce que Raif Badawi est un blogueur qui critiquait l'État totalitaire en Arabie Saoudite. Ce qui était un peu drôle. Il y avait aussi Benjamin Netanyahou, le président de l'Israël, qui n'est pas un de mes grands amis. Mais c'est un peu dangereux de parler contre Israël, fait qu'on le fera pas trop. J'aimerais pas attirer les foudres de... On a assez de controverses de tests d'émission avec Volkswagen qu'on est mieux de pas avoir de controverses d'émission de radio. Avec c'est ça, ouais. on va essayer. Fait que je vous ferai pas ça. Fait que, tu sais, c'est fou, on n'a pas besoin de se faire poursuivre, on n'a pas les moyens. C'est notre nouveau slogan d'ailleurs avec 2016. C'est pas besoin de se faire poursuivre. C'est ça, c'est en plein ça. Sur une note plus légère, eux autres me poursuivront pas. Une chose que j'ai trouvé un peu niaiseuse, mais... coupable, je l'ai écouté un peu, c'est les dieux de la danse. Ah, oh, ouais! Est-ce que c'est ta 13e place? C'est ma 13e place. Oh mon Dieu, ça mérite un... T'sais, on se demande qu'est-ce que ça fait à Radio-Canada et ensuite qu'est-ce que ça fait sur ta liste. Ouais, surtout sur ta liste. Ben oui, mais c'est que, bon, ben moi, je vais faire mon coming out. Je tripe beaucoup sur la soirée T'es encore jeune. Ouais. Puis c'était un peu, entre autres, par curiosité cette année, puis parce que ma blonde tripe danse aussi. Fait que, par curiosité, on écoutait ça, puis je pense qu'on l'écoutait la fois qu'il y avait les comédiens de SNL Québec et du nouveau show qui passait, puis bon, on écoutait ça, puis ça a fait, mais mon Dieu, comment, c'est ma tante! Ouais, c'est ma tante. Je sais que apparemment que c'est même pas la première année, d'ailleurs, mais moi, je suis pas le câble chez nous, fait que j'ai jamais su que... Mais c'est fait pour monter les codes d'écoute, pour pouvoir se permettre d'autres émissions un petit peu plus alternatives, j'imagine. Mais c'est pas un peu comme Dancing with the Stars? Mais oui, c'est pareil. Je pense que c'est un peu le même concept. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est à la sauce québécoise. Fait que la pire note que tu peux avoir, c'est genre 75. Ah, c'est ça, évidemment. On est tellement ça, c'est flatteur. Ça n'a pas d'allure, hein? C'est mou, hein? Les gens chialaient contre Serge Denoncourt, qui était le juge méchant. Oui. Il était méchant des fois, mais il était même pas si méchant que ça. Il était juste pas têteux, tu sais. Ouais, c'est l'affaire. Complaisance. Hashtag complaisance. Moi, il y a un 13.1. C'était un corollaire à ça, une des belles niaiseries. Puis ça, c'est les gens qui ont écouté la soirée T'es encore jeune sur Tout.tv vont comprendre ce que je veux dire. Les cheveux de Jean-Philippe Wauthier. Oh my God, cette coupe de cheveux-là, on a hâte que ça arrête d'être à la mode. C'est vrai. Hein? Sérieusement, c'est la coupe longueuil des années 2000. Ah, il y a ça, pas vraiment. Bref, oui, ça aussi, c'était sur ma liste. Le corollaire 13.1. Je peux être niaiseux des fois. Ouais. Numéro 12, Sophie Durocher, chroniqueuse au Journal de Montréal et conjointe de Richard Martineau. Oui, et faiseuse de controverses. Faiseuse de controverses, qui fait une chronique, ma foi, priceless. Sa dernière chronique de l'année, ça a été pour se plaindre de l'omniprésence du Politically Correct en 2015, comme quoi on ne peut plus rien dire en 2015. Parce que ça choque tout le temps quelqu'un. Okay. L'affaire, c'est que, comme l'a fait remarquer Mathieu Bonin, un vague chroniqueur web qui est un petit peu connu. Surtout pas animateur de télé, il faut faire semblant que ça n'a pas eu lieu, cette émission-là. Ouais, c'est ça. Ça a jamais eu lieu. C'est pas ça. Il a fait un bon coup, lui, puis ça a été de faire un pétage de coche. Puis c'est ça, c'est le terme, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est un pétage de coche contre cette chronique de Sophie Durocher. Puis c'était exactement ce qu'elle méritait, c'est de lui ramener d'en face. Moi, j'appelle ça, il met son nez dans son... Bon, ouais. Si on est à radio, on dira pas dans ce que je pense, mais dans ses fesses. Ouais. Ben, c'est le mot officiel. Dans ce qu'on retrouve souvent sur le journal pour lequel il écrit. Dans ce qu'on retrouve, dans mon numéro 6, vous allez voir, ça s'en vient. Okay. Non, c'est ça. C'est il dit une recherche rapide sur Google. Il a sorti 10 articles de Sophie Durocher qui elle-même faisait juste péter sa coche contre, mettons, le fait qu'il avait dit certains mots un peu vulgaires dans une série financée par Radio-Canada qui chiolait contre le fait que certains représentants syndicaux avaient des slogans un petit peu agressifs. Bon, bref, dans le fond, c'est de sa faute, elle, le politically correct. C'est ça. Mathieu Bonin, il disait carrément, il dit dans les milieux des internets, des fois, il faut que tu choques un peu. Ouais. Puis il dit à toutes les fois, quand il se pose la question, ça va-tu être trop ou ça va être juste assez? La réponse, c'est, tu penses-tu que Sophie Durocher va faire une chronique sur toi? Puis il disait, c'est vraiment drôle après ça parce que c'est probablement elle la plus violente sur le politically correct au Québec présentement. Deux poids deux mesures. C'est ça, tu sais. Fait que c'était vraiment paradoxal d'avoir pété sa coche là-dessus. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon numéro 12. Mon numéro 11, Donald Trump. Ah ben oui. Il n'a pas besoin de plus de présentation. C'est ça, il y a juste un numéro, lui. Numéro 10, ça, vous allez me reconnaître un peu plus là-dedans. Voter avec un sac de patates soir. Mon Dieu. Hein? Celle-là, sérieusement, là, on espère que ça va rester en 2015 parce que c'était vraiment gnoche. Vraiment, mais j'ai aimé les parodies de peu importe le journal de Montréal ou peu importe, là, de se mettre un sac de plastique à la place de sa tête pour peut-être faire de l'élimination naturelle. Ils l'ont fait dans le bye-bye aussi. Le gars est comme en train de s'étouffer avec son sac de plastique, pas de trou. Tu vois, s'ils l'ont fait dans le bye-bye, c'est parce que ça avait déjà été fait. Bien résumé le bye bye. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. C'est Ben, tu sais, en même temps, je dis ça, c'est une belle niaiserie. C'était con comme affaire. En même temps, moi, c'est ça qui me fascine toujours au Québec. C'est quand les gens revendiquent pour des affaires un peu sérieuses. Ah, là, on est fâchés contre eux autres. C'est pas beau, c'est la manifestation, tout le kit. Par contre, quand c'est pour des niaiseries comme ça, ou pour que je sois Radio X, arrête de faire de l'attaque à Dominem à tous les trois phrases, ben là, ah, là, on est militant, tu sais. Fait que. Ouais. Bref, s'il vous plaît, on va se le souhaiter en 2016. Faisons des choses comme ça, mais faisons-les pour des choses qui valent la peine, Saint-Simonac. Je gagerais pas là-dessus. Hein. On peut espérer. Ouais. On peut espérer. On peut espérer, mais. T'es un grand optimiste. C'est ça. Numéro 9, là, vous allez voir, moi, j'ai essayé de pas trop être dans. Parce qu'on a eu. Bon, il y a une campagne électorale assez longue, mais j'ai essayé de pas trop en parler, par contre. Ben, je vais le dire, en fait, c'est une des niaiseries. La campagne électorale la plus longue de l'histoire du Canada. Ouais. Ouais. C'est un peu veg. Selon nos standards, encore une fois, selon nos standards. C'est sûr que, bon, si on se compare aux présidentielles américaines, si tu comptes les primaires là-dedans, ça dure 2 ans, eux. 2 ans. Je suis vraiment tanné. Ça continue pour encore un maudit bout. C'est ça, c'est ça. Tu sais, ouais. Ouais, c'est pas mal. Il reste un an. Un an. Hein, ça va entendre parler de Donald Trump. Dans tous les médias du monde. Ouais, parce que. Tout le temps. Parce que ce smat-là, monsieur numéro 11, en plus de ça, il nous a signalé que s'il n'était pas le candidat républicain officiel à la fin des primaires. Il allait se mettre en troisième partie. Il allait se mettre en. Indépendant. Il allait devenir indépendant. Puis normalement, de toute façon, la politique fédérale américaine, c'est tellement gros, ça demande tellement de financement, puis d'argent, puis de logistique. Qu'il n'y a jamais des candidats indépendants qui sont capables de faire quoi que ce soit. Il y en a eu plein, mais ils n'ont jamais rien fait. C'est ça, c'est impossible. Ça te prend une machine comme les deux gros partis qui existent présentement. Pas pour rien qu'il y a un bipartisme aux États-Unis. C'est ça. C'est rendu impossible de percer, sauf pour un multimilliardaire comme Trump qui n'a rien d'autre à faire avec son cash que d'écœurer les gens qui voudraient faire de la politique. Voilà. Fait que c'est ça. D'ailleurs, parenthèse... je veux dire, Trump, on peut tellement dire de choses sur lui. Ouais. Je sais pas si vous saviez, mais il y a des djihadistes de l'État islamique qui utilisent ses discours pour montrer comment est-ce que l'Occident est agressif envers les musulmans puis leur coin de pays puis tout ça pour recruter. C'est ça. Fait que Donald Trump sert à ce qu'il essaye de détruire, ce qui est imbécile. C'est parfait, mais ce qui est fun, c'est que c'est Hillary Clinton qui a amené ça dans un de ses discours. À un moment donné, elle a dit les djihadistes utilisent Donald Trump, nanana, ce qui n'avait pas encore été fait. Okay? Il n'y avait pas encore eu ça de sortie. Fait que là, Donald Trump est venu la contredire, disant que non, c'est pas vrai. Puis genre, 2 jours après, je sais pas trop quoi, il y avait une pub qui sortait sur Internet avec ça. Fait que je sais pas s'ils se sont inspirés par Hillary pour le faire à ce moment-là, ou si c'est juste parce que Hillary les avait vus passer, parce qu'elle est, tu sais, je veux dire, quand même bien placée, Hillary. Ouais, quand même. C'est pas un petit deux de pique. C'est pas quelqu'un qui a aucune expérience en politique, genre, mettons, je sais pas, Donald Trump. Genre, mettons. Exemple. On dit ça de même. D'ailleurs... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça résume bien. On est dans la liste, en passant, pour ceux qui nous joignent en cours de route, dans la liste des niaiseries de 2015. Le palmaniaise, comme Mathieu a dit tout à l'heure. On est rendu au numéro 8, qui est en même temps un peu un corollaire du numéro 9, qui était la plus longue campagne électorale de l'histoire du Canada. En fait, d'ailleurs, je vais mettre un petit bémol juste avant de passer au 8. Mais il y a eu, apparemment, par le passé, une campagne électorale plus longue que ça. Oh, c'était déjà arrivé, c'était dans les débuts de la Confédération, au 19e siècle. Les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. Puis je pense que la démocratie canadienne se cherchait un peu dans ce temps-là parce que c'était flambant neuf. Puis bon. J'ai pas vérifié exactement c'était laquelle, mais je sais qu'il y en a eu une qui était plus longue que ça. Okay. Mais depuis. Dans l'histoire moderne. Très récemment, mettons, en tout cas du 20e siècle, ça a été la plus longue. C'est ça. Et bref, ton bémol, je le prendrais trempé, s'il te plaît. bémol trempé. Non. Excuse-moi. Ça va, Mathieu? Ça va, Mathieu? T'as-tu déjeuné? Je pense que non, Mathieu, déjeuné. C'est important de déjeuner. J'ai déjeuné pendant toutes les vacances. Hein? C'est bien, on est fiers de toi. Est-ce que tu sens mieux? Honnêtement, là, ouais. On va faire une parenthèse dans la chronique à Seb. Vas-y. Est-ce que tu te sentais mieux après? Ben, c'est sûr. Bon. La seule raison que je déjeune pas les jours de semaine, c'est parce que je vais pas avoir mal au ventre par les ici. Non, c'est parce que tu te lèves trop tard. Non, c'est pas ça, je te jure, c'est pas ça. Bon. Bref. Je déjeune après les ici. Vas-y, Seb. Donc, numéro 8, corollaire de la plus longue campagne électorale dans l'histoire du Canada, mais qui, tant qu'à moi, est assez drôle. C'était digne d'un moment infoman. D'ailleurs, j'ai trouvé ça triste qu'infoman le relaie pas, mais tu sais, ça se passe pas à Montréal. C'était, ça va déjà vous donner un peu une idée, c'est quoi, d'ailleurs j'en ai déjà parlé ici, c'est le maire de Trois-Rivières qui, à la fin de la campagne électorale, s'en va féliciter le mauvais candidat. Ah oui! Ça, c'était de toutes les beautés. Il est allé, dans le fond, c'est que, bon, on le sait, Robert Aubin du NPD a été réélu. Mais le maire de Trois-Rivières, parce que pendant une grande partie de la soirée, le candidat libéral Yvon Boivin était en avance. D'ailleurs, il y avait un bug sur le site de Radio-Canada qui faisait que, malgré le fait que Robert Aubin avait été déclaré élu, ça disait encore que Boivin était en avance, mais qu'il restait plusieurs boîtes à ouvrir. Mais c'est ça, quand t'as juste une source, va donc voir plusieurs places. C'est cela. C'est cela, particulièrement quand t'es le maire, t'sais, parce que c'est sûr que les médias vont le dire que t'es été. T'sais. Bref. Mais ça fait un bon moment. C'est ça, ça fait un beau moment. Allô à l'attaché de presse aussi du maire, hein, je tiens à dire. Sérieusement, mais probablement que l'attaché de presse est en congé ce soir. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais de toute façon, c'est pas la première fois que notre cher maire fait des niaiseries qui sont médiatisées. On se rappelle la fois qu'il a fertilisé le terrain d'un citoyen trifluvien. Non? Vous rappelez pas de ça? Il y avait une manifestation. Je pense que c'était pas à Trois-Rivières dans ce temps-là. Ah non, ça c'était beau ça. Il y avait une manifestation contre la fermeture de Gentilly 2, si ma mémoire est bonne, c'est une affaire comme ça. Puis le maire a eu envie de se soulager et a fait cela vis-à-vis d'un arbre sur le terrain de quelqu'un sur le chemin de la manifestation. Puis sa réponse, quand les médias ont dit « mais c'est parce que ça se fait pas, monsieur Lévesque ben », sa réponse ça a été « ben là, j'ai donné de l'engrais ». Aïe, aïe. Ah mon Dieu, avec quoi ouais, il s'est essuyé, tu sais, ça je veux savoir, mais... Non, mais ça a pas été, c'était un numéro 1. Là. Mais quand même, c'est pas que ça. Mais tu sais. Parce que je suis pas sûr que c'est. Okay. Mais ça reste. De l'anglais, pour moi, c'est ça. Ça reste que ça se fait pas tellement. Tu sais, mettons, c'est mal vu quand t'es à la caméra de Radio-Can direct à côté de toi. Surtout quand que t'es le maire. Tu sais, hey là! Essaye de donner l'exemple, Colin. Imagine, t'as la chance de pouvoir serrer la queue du maire. Ok, ouais. Oh. Non, ça s'est pas dit pendant la chronique. Non, excuse-moi. Je m'excuse. Ce sont les ça va de trop loin. C'est la sinusite, je m'excuse. Bref. Non, c'est ça. Fait que le maire de Trois-Rivières qui s'en va féliciter le mauvais candidat, ça c'était une des belles à mon avis. De toute façon, la réaction au dit candidat au fait de ne pas être élu, ça a été d'abandonner toute son implication dans le dossier de la pyrotite. Ah. Et je cite, pour ne pas aider Robert Aubin. Mauvais perdant. Bref. Mais... Point. Bref, ça a été un peu un mauvais perdant, comme tu dis. Mais là, c'est du fait, là, tu sais, il avait dit qu'il reviendrait à un moment donné, puis qu'il allait l'aider. C'est-tu sûr, cette affaire-là? Moi, j'ai pas suivi ça, honnêtement. J'ai comme des doutes, sérieusement, qu'il va vraiment le faire. Laisse-y examiner. Tu sais, en même temps, j'espère qu'il y a eu du remords un peu, parce que c'était vraiment innocent à dire ça. Tu sais, juste le fait de le dire de même. Tu sais, à la limite, pense-le, mais dis-le pas. En tout cas, fait que on est rendu au numéro 7. Oui, on est rendu à moitié. J'ai fait la moitié au numéro 8 tantôt, parce que 8, 16, 15, alors que c'était 7, 14, c'est comme avant 15. Bref, les maths. Le numéro 8. Non, le numéro 7, excusez-moi, tu m'as tout mêlé. Donc, la berlusconisation québécoise. Oh. Qu'est-ce que la berlusconisation québécoise? C'est fancy, en tout cas. Berlusconi, c'est un ancien homme d'État italien qui était un magnat de la presse en Italie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pierre-Carl Pelado. Effectivement! Donc, j'ai appelé ça, le numéro 7, moi, dans mes notes, je l'ai appelé le mariage berlusconien. Mariage berlusconien. Premièrement, mariage de PKP avec le PQ. Ben oui, évidemment. Évidemment. Et il y a eu l'événement glamour qu'on attendait de tous les temps, le mariage de PKP et Julie Snyder. Moi, je l'attendais pas tant. C'était magnifique. Non? Sérieusement, ça vaut la peine d'aller. Il a sur tout.tv l'épisode de l'émission de MC Gilles. Boutique, non, attends, pas c'est, ça. Papa Agile. Quand il s'en va là, c'est tellement drôle. Ah, oui. Là. C'est magnifique. Lui, il a pas été accès. Ils ont pas permis de rentrer, mais il fait juste interviewer les gens dans le fruit, c'est vraiment magnifique. C'est très, très drôle. Bref, c'est ça. Je pense que c'est ça. PKP, je lui ai mis des niaiseries, mais tu sais, PKP comme chef du parti. On le sait, ça fait encore polémique le fait que, bon, techniquement, il y a une fiducie pour les actions de Québécois. Bon, c'est un peu... Mais les choses ont pareil. Été faites dans les règles, mais pas tant dans les règles. Mais en tout cas, c'est pas clair. C'est douteux. C'est comme les productions J qui ont été mis entre les mains d'un bon ami de Julie Snyder. C'est clairement l'autre lunette, là, Stéphane. Je sais pas. En tout cas, c'est ça. Je pense à mon chapeau là-dessus. C'est ça. Il y a des petites odeurs de Berlusconi. C'est un peu dangereux. C'est bon. Il y en a qui vont me dire oui, mais si on veut faire la souveraineté, ça prend ça. Bon. Je suis pas sûr, mais bref. Ouais. C'est discutable. C'est discutable. Le numéro 6, je vous l'avais promis tantôt, j'ai fait allusion à ça, le Flushgate. Oh, qu'est-ce que le Flushgate? C'est Montréal qui vide ses égouts dans le fleuve. Belle place. Belle idée. Ça a été évidemment récupéré pendant la campagne électorale fédérale. On a eu un moment surréel où le Parti conservateur s'est comme semi-fait le défenseur de l'environnement dans cette histoire-là. Mmh. Bon, c'était clairement stagé comme histoire. Ça faisait pas mal longtemps qu'il le savait puis il s'était pogné le beigne avec ça. Bon, on me dit aussi d'ailleurs des gens que je connais qui sont en biologie, particulièrement en écologie, qui disent qu'ils se déversent pire que ça à tous les jours puis on n'en parle pas. Ouais, ça, dans le Saint-Laurent. J'en doute pas non plus. Ouais. Mais bon, ça a été. Puis c'était un peu. En même temps, j'en parle parce que c'était un peu un clin d'œil à. Chanson dans le truc d'Infoman, hein? Ouais, c'est le début d'Infoman, là, avec David Suzuki. Ouais. C'est David Suzuki. En tout cas, ce Suzuki-là, le monsieur de Greenpeace, puis d'un peu tout, là. C'est David, son prénom? Il me semble que oui. Oh, ouais. Le gars de the Nature of Things à CBC. Ouais, c'est CBC ça. A des émissions de meilleure qualité que les deux de la danse. Hein? Ouais. Hein? Mais ils ont d'autres affaires. Ouais, donc c'est ça. Le Flushgate, ça a été une belle niaiserie. Denis Coderre qui a eu, comme toujours, qui en a profité pour nous faire ses magnifiques phrases. Je me rappelle plus lesquelles qui étaient reliées à ça, mais bon, on le sait, Denis Coderre a toujours des belles phrases imagées qui veulent pas dire grand-chose. Genre le classique, moi je suis capable de marcher en mâchant de la gomme. Ah, ouais. On le connaît, bien sûr. C'est ça. Bon. Petite parenthèse, on va parler c'est le seul moment où je vais en parler parce que je trouve qu'on parle trop de ce qui se passe à Montréal dans la vie. Là. Il y a comme un reste de la province. Là. Mais c'est ça. Moi, c'est qu'il y a un rest of Canada, mais il n'y a pas de rest of Québec. Ben, il l'a. Mais ouais, c'est ça. On devrait. C'est un rock. Un rock. On va le cas différemment, ouais, mais ça. En tout cas, le cas. Un rocu. Mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bref, tu sais, c'était quand même un c'était cute, les apparitions de Coderre cette année dans les... Tu sais, lui qui s'en va péter une dalle de béton pour narguer Post-Canada, ces choses-là. Tu sais, on n'a jamais autant vu un maire avec un hard hat sur la tête. Ouais, c'est faut quand même y donner ça. En même temps, c'est très people, donc est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est très... Ouais. Très, très discutable, très mais au moins, c'est vrai qu'il a quand même ramené un petit peu plus la politique municipale proche des gens. T'sais, c'était pas sous l'air Gérald Tremblay qu'on voyait le maire bien gros, maintenant. Puis bon, tu sais, comme je le disais, on parle un peu trop des affaires de Montréal des fois, mais ça reste que c'est quand même la métropole du Québec. Puis bon, t'sais, la moitié du monde vit autour, là. Fait que... Bref, c'était cela. Le numéro 5. Stop des niaiseries en passant. Stop des niaiseries en 2013. On en parle pas. Ouais, Palmaniaise. Le Palmaniaise. Numéro 5. Oui. Celle-là, ça va peut-être nécessiter un contexte. Je vais la lâcher, puis après ça, vous me le dites si vous la comprenez. C'est les gens de Québec qui sont déchaînés à cause d'un épithète négatif prononcé à leur rencontre par un animateur de radio. Ça me dit de quoi, ça? Vous dit... Ouais. J'ai parlé de la soirée T'es encore jeune tantôt. Oui. C'est à un moment donné, Jean-Sébastien Girard, qui est un des animateurs, des co-animateurs de la soirée T'es encore jeune, dans une boutade, a lâché. Ben oui, mais le monde de Québec sont tous mongols. Puis là, les gens de Québec, qui on s'entend. Bon, c'est pas tout le monde qui habite à Québec, qui écoute Radio X, puis tout. On s'entend. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio X, puis toutes ces affaires-là à Québec. C'est ça, parce que les autres radios ressemblent de plus en plus à Radio X en plus. C'est ça, il y a un phénomène de. Mais bref, on s'entend-tu que venant de Québec d'être insulté, de se faire traiter de mongol, alors que ces gens-là passent leur temps à écouter. Des animateurs de radio comme Dominique Moret ou comme qui traitent toutes les autres de barons. C'est ça. Ouais, là, ça a été discuté qu'il a dit oui, mais mongol, tu sais, c'est pas gentil pour les trisomiques. Puis bon, tu sais. Mais oui, mais Colin, sérieusement, pouce mes pouces égales à maner. Si vous voulez écœurer les autres, tu sais, je veux dire, ça a été pire parce que c'était un animateur de Montréal. Uh-huh. Puis bon, on le sait, Québec est bien complexé par rapport à Montréal. Mais, jaloux. Sérieusement, non, mais la petite gagneur. Ouais. À m'amener, revenez-en. Ouais, exact. Moi, je suis d'accord avec ça là-dessus. Pour l'avoir écouté un peu des fois, Radio X sont un petit peu obsédés par Montréal. Des fois, c'est ah ouais, on sait bien la gauche montréalaise. Non, je veux dire, Montréal, c'est pas comme un îlot de communistes, là. Je veux dire, revenez-en, m'amener. Mais bref, c'était ça. L'ironie de la chose était magnifique. Wow. C'est pour ça que ça s'est retrouvé sur mon palmarès. Le numéro 4, là encore, c'est quelque chose que j'ai beaucoup parlé cette année. Mais je trouvais que c'était important de le mettre. Nadia Gazali qui perd la confiance du ministre Blais. Mm-hmm. Oh. Elle m'a déçu. Cette chère Nadia. Ah, cette chère Nadia. Nad. Nad. En fait, je l'ai résumé comme boucle ça, d'or. Mais tout le feuilleton oui. De la rectrice de l'UQTR était tant qu'à moi, méritait sa place sur mon palmaniaise. Tout a été fait tout croche. Bon, on le sait, quand j'en avais parlé, quand que le ministre Blais lui a retiré sa confiance, c'était pas pour les scandales de gestion interne, c'était à cause d'un rapport qui était supposément dévastateur contre elle. Je me rappelle jamais, c'était du vérificateur général ou de l'UPAC, mais je pense que c'était le vérificateur général. Alors que, en fait, le rapport visait autant elle que le recteur avant elle, puis pourtant, lui, on n'a jamais parlé qu'il aurait mérité de perdre de la confiance. Justin Bourque. Non, il était parti. Pourquoi salir? Non, c'est ça. Pourquoi salir? Mais, il a déjà eu son parachute doré, lui. Ça reste que de dire que. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que c'est sur ma liste. Moi, c'est une affaire qui tu sais, tant qu'à faire les affaires tout croche, on voyait l'all d'eau. Ouais. Numéro 3, le toupette. Oh, là, ça commence à s'annoncer, le numéro 3. Ouais. Le toupette de Donald Trump. Oh! Parce que je trouvais que, bon, le mettre rien qu'une fois puis juste dire Donald Trump, on comprend. Là encore, c'était un peu emprunté à la soirée, t'es encore jeune, ils ont fait cette joke-là aussi. Je me suis dit, mérite d'être là deux fois. Ouais. C'est pas juste parce que t'avais le top 14 et qu'il fallait que tu rajoutes une dernière affaire. Du tout. J'ai mis le deuxième Donald Trump quand j'étais rendu à peu près à 7 affaires ma liste. Pour vous donner une idée. Mais il s'est fait tirer les cheveux par une de ses supporters lors d'un discours, puis il a dit qu'il est parfaitement réel, son toupette moumoute. Ben oui, il est réel, mais il est crépé, mort. Well the boss. Je n'ai qu'une chose à dire. LOL. Sérieusement. Moi, c'est ce que ma partie préférée de Donald Trump, non seulement c'est les niaiseries qu'il dit, évidemment, parce que quand tu le prends au niveau drôle, c'est drôle, mais quand tu regardes que ça va peut-être être le président, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Mais c'est les memes sur Internet des faces. Mais... Quand il coupe le milieu de sa face, c'est juste genre ses yeux puis sa bouche, puis on reconnaît quand même que c'est Donald Trump, c'est malade. Mais il y a vraiment, faut quand même y donner. Puis là, ça n'a pas rapport avec ses qualités ou défauts de politicien, mais. Il y a quand même une face assez typique, le gars. Il y a un visage particulier. Il est vraiment drôle. Il est drôle de yeux. On dirait en fait que ses yeux sont trop petits pour sa face. Ça, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai, ouais. Possiblement. Mais non, c'est ça, c'est vrai qu'il y a vraiment une face typique. Il est expressif. On peut le lire comme un livre ouvert juste dans sa face. C'est ça. Puis je pense que ça fait partie un peu de pourquoi est-ce que ça marche tant que ça, ben son affaire aussi. C'est faut quand même le dire, il y a quand même le charisme qu'il a besoin pour faire ce qu'il fait parce que. Ouais. Je veux dire, un Stéphane Dion essaierait d'être comme ça, ça marcherait pas pantoute. Ouais, non. Non, mais Donald Trump, il est pareil comme son public cible est lorsqu'il regarde Donald Trump. Il fait les mêmes faces quand il voit, mettons, son adversaire démocrate. Il fait la même face à la TV que le gars dans son divan. Il le pète. La meilleure description de Donald Trump que j'ai vue, c'est, dans le fond, lui, c'est une section commentaire d'articles de journal sur Facebook. Transformé en personne qui se présente à président. Exact. C'est carrément ça, je veux dire. Des fois, pour me faire mal un peu par masochisme, je m'en vais lire des commentaires sur des articles de n'importe quoi, en fait. Là, je veux dire, la plupart des journaux, puis tout, je suis abonné à une page Facebook, puis bon, publie des trucs, puis des fois, je me dis, ça va être une mine à commentaires dégueulasses qui vont faire mal à mon humanité. Ouais. Et comme de fait, c'est souvent le cas, puis je lis ça, puis je me dis, mais c'est toutes des affaires que Donald Trump aurait pu dire. Effectivement, on pourrait l'appeler Donald Troll. Troll. Ben oui. Mais parce que les cheveux paraissent comme un troll, s'élève un peu. Je suis presque surpris, en fait, que tu sois le premier à dire ça. Moi, j'ai jamais entendu encore à date. Mais sérieusement, ça doit exister. Je veux dire, probablement. Ça devrait être un nouveau meme, Donald Troll. Okay. On devrait. Je le pars. Non, mais sûrement, ça a déjà été fait, j'imagine. Moi, je l'ai jamais vu, mais sûrement. Moi, je l'ai jamais vu. On va aller sur Google chercher. Ouais. Okay. On va aller voir. Pendant que tu vas voir. On est rendu au numéro 2. Ah, maudit, avant, excuse-moi. Celui-là, il est très local. Attends. Les gens, allez juste sur Google Images, chercher Donald Troll, OK? Et c'est vraiment exactement ce que je voulais faire. Ah, oui! C'est de toutes les beautés. La première image. Le vent avait pogné dedans. Sérieusement, Mathieu, est-ce que tu peux aller le mettre sur la page Facebook de Sandrage Requis? Ça le mérite. J'écouterai pas ton numéro 2, vas-y. C'est pas grave. Ah, c'est vrai. Comme disait M. Coderre, je suis capable de marcher puis manger de la gomme en même temps. Exactement. Ouh. Ou, comme le dit... Ben, par contre, faut quand même souligner, le grand-père de Boucar Diouf disait apparemment, selon Boucar Diouf, tu peux pas courir et te gratter le derrière en même temps. Ça, je l'ai trouvé pas pire, celle-là. Ben oui, tu peux. Tu peux, mais c'est tough. Ben non. D'ailleurs, je vous suggère... Je te mets au défi de le faire aujourd'hui. En tout cas, il y en a qui sont plus flexibles que d'autres. D'ailleurs, je vois ton selfie de matin, Tania, c'est le fun, tes selfies. Ouais, je sais. Tout le temps un selfie, tu sais. Excuse-moi. Numéro 2. Numéro 2. celle-là est plus locale, très locale en fait. Dans j'ai l'impression qu'il y en a qui va m'haïr la face, mais en tout cas, c'est pas grave. Oh. Les militants pour la désaffiliation. Certains militants. Là, on fait un peu. Tu sais, à la. En anglais, quand on veut pas, quand on sait pas ou qu'on veut pas dire le sexe de quelqu'un, on le met au pluriel. Oui, oui, oui. Bon, ouais. Donc, certains militants, des militants pour la désaffiliation du MS qui se retrouvent à la présidence de l'OGE. Oh! Ah! Hey. Ah! Qu'est-ce tu sais, il y a moins de commentaires là-dessus que Donald Trump, c'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Bref. je sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas, je la ris. Et en plus, et l'émission est présentée par collaboration avec la GIE. Mais justement, pas de conflit, on a juste pas le même droit. Ouais. Justement. Ouais. Justement. Liberté. Liberté! Il y a un mur entre la section commandite et la section journalistique d'assemblagerie. Voilà. Voilà. De, pas de, la, de, hein? De toute façon, moi, je suis pas payé. Je sais, fait que je peux dire ce que je veux. Exact. Ils essaieront. Donc, et le numéro 1. Mathieu, est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. Oui, lâche Facebook, Mathieu. Non, mais le troll est mis, là. Le troll est mis. Le numéro 1, je l'ai décerné à Yves Bolduc pour l'ensemble de son œuvre. Yves Bolduc, ex-ministre de l'Éducation, qui a été remplacé par François Blais. Bon, on se rappelle, il y a eu plein de magnifiques... Je sais même pas comment dire ça. Plein de magnifiques anti-gestion de crise de la part d'Yves Bolduc, c'est-à-dire... Ah, ça va mal. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire qui va encore plus envenimer les choses? Pour les faire d'emblée. Bon, par exemple, les suite aux coupures en éducation, quand il y en a qui ont dit ouais, les écoles ont plus les moyens d'acheter des livres pour les enfants dans les écoles, notre cher ministre Bolduc qui s'en va dire ouais, mais des enfants pas de livres, ça n'a jamais tué personne. Eh ben. Ou encore la fois qu'il y avait eu une fouille à nu dans une école secondaire. Qui a dit « Oh, tant que c'est fait respectueusement, c'est correct. » Bon, ça, c'est les deux qu'on a, les deux qu'on a le plus retenus, mais il y en a une pléthore, il y en a une multitude. Franchement, c'est pas pour rien qu'il s'est fait montrer à part. Et qui est en numéro 1, voilà. Et qui est en numéro 1. Donc, c'était mon palmaniaise de 2015. C'est ça. Donc, on va souhaiter un 2016 que j'aurai pas à mettre 15 choses dans mon palmaniaise. Ouais. Ah, mais attends un peu. À 2016, t'en mettras 16. Hein. Tu vois, genre. Hein? 15 pour 2015, concept. 16 pour 2016. C'est sûr que tu peux toujours être créatif. Au pire, c'est sûr qu'on va encore parler de Donald Trump. Fait que je le mettrai 4-5 fois. Ses cheveux. Ses cheveux vont revenir 3 fois. Son nez. Président Trump. Ses relations familiales, ça a l'air un peu trash, cette famille-là, d'ailleurs. Ouais. C'est pas ceux qui ont vu les commentaires qu'il faisait sur sa fille, c'est vraiment franchement dégueulasse. Ouais, si c'était pas ma fille, hein. Ouais, c'est ça. Si c'était pas. En fait, il disait si c'était pas socialement mal vu, ma fille. Exactement. C'est dégueulasse. Moi, sa fille, là, ferait longtemps, je serais plus à la maison. C'est ça. Ouais, fugue! Ouais. M'en fous pas pourquoi. Ça fait peur, honnêtement. Encore de se dire que cet homme-là va être ce qu'on appelait traditionnellement l'homme le plus puissant du monde, peut-être. Ouais, bon. Je veux dire. Tu peux être fan ou ne pas être fan de Obama, mais tu vois qu'il y a comme une. Hey, ça passera pas. Il y a comme un peu pareil. C'est ça passe, comme Tania a dit, ben, ça passera pas. Les sondages, je sais que les sondages veulent absolument zéro rien dire à cette date-ci, à un an exactement de l'investiture, mais Hillary Clinton, selon tous les sondages, battrait Trump si c'était juste les deux qui s'affrontaient. C'est ça. Mais pas juste Hillary Clinton, Bernie Sanders. Oui, exactement. Bernie Sanders, puis d'ailleurs, Bernie Sanders battrait plus. Apparemment. Oui, ce que j'avais entendu dire, c'est que c'était lui qui. C'était mais Bernie par contre, Sanders il perdrait contre Hillary Clinton du côté des démocrates. Fait que, ouais. En même temps, s'il gagne pas ça, ça sert à rien. Du côté des démocrates, en fait, ça, apparemment, on me dit que ça suit plus ou moins ça, honnêtement. Là. Ouais. Ben, tu sais, avec la marge d'erreur. Avec la marge d'erreur, puis ça, apparemment, qu'ils sont quand même assez proches. Et ça veut rien dire de toute façon. T'sais. C'est ça. Parce que c'est pas les gens qui vont voter, là. Ça, c'est les caucus, tout ça, là. C'est pas le petit peuple, mais c'est... Ben, c'est ça, c'est parce que là, présentement, la campagne démocrate, ce que j'ai l'impression, puis comme je vous dis, je suis pas ça tant que ça, mais ce que j'ai l'impression qui se passe quand même, du peu que j'en sais, c'est que la question tout le temps, c'est lequel des deux qui fait qu'on est sûr de battre Trump. Exact. Ouais, c'est même, sont même pas sûrs que ça va être Trump qui va être en avant d'eux autres. Donc, c'est peut-être une stratégie un peu nounoune. C'est vrai. Ceci étant dit, bon, c'est sûr que, bon, moi, je donc, tu sais, je suis un gaucher s'assumer. Oui, gauche, caviar. Ouais, c'est ça, pis tout, là, mais le Bon, moi, Bernie Sanders, je trouve ça magnifique que juste une personne comme ça ait des chances de se retrouver chef des démocrates. Même si lui aussi a des cheveux, c'est bizarre. C'est ça. Non, mais c'est comme s'il se peignait pas. On est rendu à un certain âge, là. Oui, non, mais tu sais, c'est ça. C'est que c'est ça. Tu sais, c'est. Il y a du monde qui l'ont présenté comme la Françoise David américaine. Je pense que c'est un peu ça. D'ailleurs, si vous connaissez les memes, les Feel the Burn, puis les. Sur Internet, moi, je trouve ça magnifique. On fait des jokes de ça. Puis, tu sais, je dis que je suis un gauchiste assumé. Je suis pas nécessairement anarcho-communiste non plus, là. Mais, il se fait bien des jokes là-dessus que je trouve vraiment magnifiques, là. Tu sais, qu'on colle sa face sur des photos de manifestations, des trucs qui sont passés pendant la révolution en Crimée, pis des trucs comme ça, tu sais, de gens qui pitchent des cocktails Molotov, des trucs comme ça. Ouais. Tu sais, c'est très drôle, là. Mais on s'entend, il est pas si pire que ça. Il est pro-arme en plus. Fait qu'il y a beaucoup de gens de la gauche qui l'aiment même pas tant que ça à cause de ça. Mm. Mais d'ailleurs, c'est pas mal sa seule chose qui est pas progressiste, parce que sinon, à base, il se veut probablement le candidat possible le plus progressiste ever aux États-Unis depuis les pères fondateurs, là. Mais c'est ça. Hillary Clinton de l'autre bord, ben, il y a tout le temps un peu l'espèce de vague de oui, c'est une femme, oui, ça serait épique, une femme première ministre des États-Unis, présidente des États-Unis, mais en même temps, il y a tout le temps un peu l'espèce de relent de, tu sais, quand elle se présentait contre Obama, les. Mathieu nous montre une photo de Bernie Sanders à côté du Doc Brown dans. Et je l'ai hashtagé Doc Sanders. C'est assez ressemblant, hein? Ouais, ben c'est sur Facebook aussi. Hein? Ouais. C'est mis sur notre. Merci. Parce qu'on est de même, nous autres, on parle de Donald Trump assez vite. C'est ça. Puis. Bon, dans le fond, c'est ça. J'étais parti sur une dissertation à propos du. Mais ça sera le fruit de. Ça sera le sujet d'une autre chronique. Ben parce ouais, que Colin, ouais, ça fait déjà. T'as même plus de fond, rien. Je suis là. T'es comme un candidat républicain en bas des sondages. T'as perdu tes fonds. C'est ça, j'ai perdu mes fonds. Plus de fonds. Mais non, mais je suis rendu dans le fond, en fait. T'es comme le. Dans le fond de la chronique. C'est ça. T'es comme le. T'as un peu que. Il cherche. T'es comme le Martin O'Malley. De la chronique. Oh. Tu sais, le troisième candidat du côté des démocrates dont personne ne parle. Ouais, c'est ça. Les deux, on a comme fait. Hein? Ouais, justement, il est aussi candidat. Ils sont trois. T'as Hillary Clinton, t'as Bernie Sanders, t'as Martin O'Malley. Martin O'Malley, personne n'en parle. C'est ça. Lui, il a déjà perdu. Est fini, ta chronique. Elle est finie. Finito! C'est fini! Finito! Merci! À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sébastien Vigata, on te retrouve tous les mercredis à 8h à Sondage Requis. Yep! Merci. Au retour de la pause, en fait, on n'est pas rendu à la pause. On est-tu rendu à la pause? On prend une pause. Et au retour, il va y avoir Tania Is Gonna Entertain Ya. Sondage Requis aujourd'hui. Vous êtes assez fait, 80. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce mercredi 6 janvier 2016. Il est Taïa Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, première émission de la saison de l'hiver. Oui! Toujours ensemble du lundi au jeudi. À partir d'aujourd'hui, on ne ratera pas grand d'autres émissions d'ici la fin du mois d'avril. On devrait pas. Sauf peut-être une, genre, je pense. Ah ouais? On a dit Pâques tantôt, je pense qu'on manque Pâques. Ouais, peut-être, sûrement. Le lundi Pâques. Ouais, lundi Pâques. Je pensais pas qu'on soit là. Peut-être qu'on va venir pour dimanche pour Pâques. En tant que peut-être. Émission spéciale, année de chocolat. Ouh, émission spéciale. Mais avant de continuer et d'avoir une session hivernale devant nous, c'est le moment de passer à toi, ma chère Tania. Oui. Voici Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Oh, Donald Trump. Trump. Pourquoi on parle de Donald Trump dans ma carrière? Bernie Sanders. Batman. She's gonna entertain ya. Batman. Ah oui. Donald Trump, Bernie Sanders, Batman. Trouvez les trucs. Boom! C'est clairement pas Batman. Clairement pas. Donc, Tania. Oui. Première chronique, Tania Is Gonna Entertain Ya de 2016. Ouais. Racontons le principe pour ceux qui nous joignent en cours de d'année scolaire, qui ne savent pas oui, ce que c'est encore. Début de session. C'est ça, ça arrive, des nouveaux étudiants. Il y en a, ouais, c'est ça, nouveaux étudiants. Bien, c'est pas très, très compliqué. Hein? À chaque jour, je parle d'un sujet différent. Peu importe d'où me vient mon inspiration de la veille. Mais là, mon inspiration... très tard le soir, bien la souvent, veille. Bien souvent. Et là, mon inspiration m'est venue comme en... Après les fêtes, hein, bien évidemment, on est au mois de janvier. Avant les fêtes, j'avais parlé des fameuses résolutions que l'on prend en début d'année pour avoir une meilleure vie, quoi. Ouais. Puis que l'on garde en temps normal une vingtaine de jours. En général, 3 semaines, c'est pas mal fini. En général, oui, t'as bien raison. Mais là, ce matin, je me suis dit, oui, mais le temps des fêtes, ça veut aussi dire avoir de la difficulté à retourner au travail, avoir de la difficulté à se lever, avoir de la difficulté à retrouver son train-train de vie quotidien. Mm-hmm. Et ce matin, je me suis dit, pourquoi pas vous aider avec ça, justement. Et je me suis dit, tout aussi bien faire un petit retour sur les fameuses résolutions, parce que oui, ça existe, des gens qui en tiennent leurs résolutions. Et j'ai comme l'impression que cette année, les gens ont comme décidé de se dire... Je ne vais pas prendre une résolution, mais je vais me forcer du mieux que je peux à essayer de faire quelque chose que je vais faire en 2015. Écrire, ça, c'est des suppositions, hein, ça. Se forcer à peut-être essayer de voir ben si oui. je peux potentiellement, mais peut-être. On en avait parlé, souviens-toi, ouais. que les gens commencent de plus en plus à moins dire « je veux une résolution » ou « je prends cette résolution-là ouais. » parce que le mot « résolution » fait peur. Ben oui. Parce que tu sais que tu les as pas tenus dans le passé. Exactement. Pourquoi en prendre une autre? Pourquoi l'échouer? Les gens ont peur de l'échec. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous aider de ce côté-là? On se souvient, je disais qu'environ 8% de la population seulement qui réussissent à garder leur résolution tout au long de l'année. Alors, de ce côté-là, moi, je me suis dit, pourquoi pas y aller d'une petite aide, hein? Je vais vous donner une petite poussée dans le dos. Est-ce que tu fais une liste? Que veux-tu dire? Est-ce que c'est une liste établie des numéros, des chiffres? Si tu es dans le désert, tu vas te faire le non. numéro 1 à la fin? Tu y vas comme n'importe quoi? Je vais comme n'importe quoi, parfait. Maintenant. Oui. On se souvient que quand j'avais parlé de résolution, c'était surtout pourquoi est-ce que les gens ne gardent pas leur résolution? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens les gardent pas? Et je vous étais arrivé avec, exemple, bien, les gens ils prennent pas des objectifs précis, par exemple. Oui. Ou c'est irréaliste, trop gros. Bien, c'est ça. Ouais. Donc, rappelez-vous de garder des objectifs précis. Si jamais vous dites, je sais pas moi, au courant de l'année, tu sais, juste de dire je veux me remettre en forme ou de dire je veux perdre du poids, c'est pas assez précis. Oui, ça vous donne une bonne idée de ce que vous devez faire, mais allez-y avec un chiffre exact. Ouais. Soyez réaliste, hein, surtout. Allez pas dire je veux perdre 50 livres en 3 semaines. Je suis désolée, mais à moins de passer 24 heures au gym par jour, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Là. À moins de vous faire arracher un bras par un requin. Aussi. Ou une jambe. Mais tu sais, allez-y de façon réaliste. Exemple, vous dites, je veux perdre, je sais pas moi, 15 livres en 2 mois. Bien là, de ce côté-là, vous allez pouvoir mettre les efforts à y arriver du mieux que vous le pouvez. Bien évidemment, en temps normal, quand vous prenez un objectif précis, c'est de s'entourer aussi des gens qui ne seront pas négatifs. Ouais. On se souvient, j'avais parlé des gens qui étaient plutôt, je ne veux pas dire jugeants, mais presque, qui ont une opinion assez facile à vous démoraliser. Des rabat-joie. C'est ça. Ouais. Tu sais, des gens qui vont dire « ouais, mais tu n'y arriveras jamais ». Ouais, mais... T'es une fille. Franchement. Oui. T'sais, donne-toi 3 semaines, tu le feras plus. Rappelez-vous de garder des gens qui sont positifs autour de vous et qui vont surtout vous appuyer là-dedans. Tu sais, je parle pas de tomber dans l'excès, hein. Les gens sont très, très portés, rendus en 2016. J'ai eu peur de 2015. Faut changer l'expression, je sais. Oui, mais là, les gens sont rendus en 2016 à être très, très obsédés par certaines choses, hein. Tu sais, je sais pas si tu l'as vu, mais partout sur Facebook, maintenant, on voit des gens qui se mettent au CrossFit, ouais. Qui se mettent à la préparation des repas, mais de façon très, très athlétique. On vous demande pas de devenir un athlète en mars, là. On vous demande de garder votre résolution le plus longtemps possible. Donc, gardez en tête que vous pouvez, oui, prendre soin de vous, mais aussi garder un train-train de vie quotidien. T'sais, vous pouvez y aller manger votre poutine vendredi. Ouais. Là. Allez-y pas tous les jours de la semaine. Ça c'est peut tout. Être quelque chose qui peut vous rendre heureux aussi. Vous avez le droit de prendre une résolution, genre, ah, je sais pas, je vais me mettre au coloriage. C'est bien à la mode en ce moment. Mais oui. N'importe quoi, ça peut être. Mais oui, c'est vrai. Le coloriage, tu sais, ça détend. Oui. Il y en a qui ont besoin de déstresser. Ben, il y en a que leur résolution, ça va être de déstresser un petit voilà. peu, hein? Je suis bien d'accord c'est avec toi. C'est pas tout le temps rien que du vin, tu sais, pour déstresser. Non, je suis d'accord. De ce côté-là, je suis bien d'accord avec toi. Du côté, on parlait aussi à la suite du temps des fêtes, ce qui est très difficile de faire. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement difficile hier soir, c'était de me coucher. Oui, c'est vrai ça. Parce que là, on passe quoi? Une à deux semaines à se coucher à l'heure qu'on veut, à se lever à l'heure qu'on veut, de retrouver cette espèce de train-train de sommeil là, qu'on a en temps habituel. C'est compliqué, hein? Combien t'as eu d'heures hier? J'ai honnêtement, j'ai dû dormir 1h30 cette nuit. Aïe! Ouais. OK. Je me suis couchée, il était 11h45, parce que de toute façon, le matin, je m'étais levée à 10h30, donc j'étais pas très, très fatiguée lorsque je me suis couchée. Et je sais pas pourquoi, j'ai aucunement été capable de dormir. Est-ce que c'était le stress de revenir en studio, de me dire « Oh mon Dieu, de quoi je vais parler dans ma chronique? » Parce que t'es pas préparée à ce moment-là, c'est ça? Ben ouais, mettons. T'aurais peut-être pu la préparer hier soir, peut-être? Ben j'étais occupée, je jouais à Trivia. Oui. je faisais aller mes connaissances générales de ce côté-là. Alors, j'avais un petit peu plus de difficulté à savoir de quoi j'allais parler. Mm. C'est surtout que je voulais pas retomber dans l'espèce de fameux moule de résolution, encore une fois. Je me suis dit, je vais y aller juste vaguement dans les résolutions, mais... Qui va t'entraîner vers autre chose. Exactement. Donc, là m'est venue l'idée de dire, ben il faut quand même qu'on revienne à la normale après les fêtes. La routine va rembarquer assez vite. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, je me suis trouvé un site Internet qui nous explique comment mieux dormir. Et là, j'ai quelques idées pour vous. En fait, Mathieu, toi, tu dors... En combien d'heures par nuit? Absolument 5 à 6 heures. J'essaie d'aller vers le 7, mais c'est bien difficile. Mais un adulte en temps normal, là, et j'imagine que c'est de 18 à... Parce que adolescent arrête à 17 ans. Alors, j'imagine qu'un adulte, ça vient après, hein, 18. En temps normal, on devrait tous dormir entre 7 et 9 heures. Ouais. Mais ça, on le sait tous, c'est quelque chose qui va différer de la personne, de comment on a grandi, surtout de nos habitudes de vie. De ton horaire aussi, c'est ça. De ton horaire aussi. Je me vois pas me coucher à 9-10 heures le soir. Là, parce que pour faire les 9 heures, il fallait que je me couche à 9 heures. Oui, ben c'est ça. Hein? Oui. Je suis d'accord avec toi. Parce que nous, on se lève quand même assez tôt. Oui. Puis de me coucher à 8h30, disons, pas sûr, ça me tente. Pas convaincu, non. Il y en a qui le font. Oui. Il y a des animateurs qui le font. À la radio, principalement, oui, mais eux, ils commencent leur émission à 6h comme tout le monde, ben, on commence ça. À 7h30. T'sais. C'est ça, je leur lève mon chapeau parce que moi, me coucher à 9h, pas sûr que je serais capable, même non. si je travaille à 3. Mais je les ai vus veiller tard aussi, ces animateurs de radio. Oui, parce qu'ils dorment pas. Bien souvent, ouais, c'est ça. Hein, mais ils peuvent prendre une sieste l'après-midi. Oui, ce que nous, on fait pas. On peut pas faire ça, nous autres, parce que c'est pas notre job à temps plein d'animer. Exactement. Ouais. C'est de placer une routine. Comment est-ce que vous pouvez mieux dormir, en fait, en retournant à votre train-train quotidien après les fêtes? Bien, c'est de vous établir une routine. Si vous n'êtes pas fatigué, faites-vous une activité de détente en attendant que le sommeil gagne. Coloriage. Le coloriage, c'est une activité qui peut très bien se faire dans une chambre à coucher, là, avec une petite tablette. Du yoga? Du yoga? Du yoga. Non, mais pas moi. Tu irais avec du yoga, toi? Moi, non. Je suis pas certaine que j'irais avec du yoga. J'irais peut-être avec de la méditation. Ah, peut-être, oui. Du yoga, quand même, c'est assez physique. Fait que j'ai comme l'impression que ça donnerait de l'énergie à ton corps un petit peu plus. OK, excuse-moi, moi, je fais de l'exercice, puis je m'endors après. Ben, tu sais, il nous donne le point de faire de l'exercice, mais plutôt dans la journée. Parce que oui, rendu au soir, tu vas être fatigué de l'activité que tu as fait pendant le jour. Donc, cette activité-là, cet exercice physique-là que tu as fait peut-être un petit peu plus tôt, mettons vers les alentours de 7 heures, va venir te rejoindre vers 9h30, 10h. Et là, tu vas commencer à ressentir beaucoup plus de fatigue qu'en temps normal si tu en faisais pas, mettons. Ouais. Tu peux faire de l'activité physique, en guillemets, un peu comme quand tu as dit que tu avais rencontré quelqu'un le 1er janvier. Ah, j'ai jamais dit ça. T'as pas dit ça? Non. Parce que tu aurais pu faire de l'activité physique, en guillemets. Oui. Ben, il y a cette activité-là aussi. Ça endort aussi. Ça, puis une cigarette. C'est, ça amène la fatigue. Ben, souvent, cette activité-là. Cette fameuse activité physique-là. Oui. Bon. On parle aussi de la chaleur de la chambre. Allez-y vers les 18 à 20 degrés Celsius. Ouh, c'est froid, ça. Mais ça a l'air que ça aide. OK. Ça doit être apaisant comme chaleur. Mais j'avoue que chaleur. Dormir, avoir un petit peu froid dans ces couvertures qui te réchauffent, c'est quand même un plaisir d'avis, ça, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Le matin, je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà fait une chronique sur le sommeil, mais le matin, ouvrez les lumières. Si vous vous réveillez tôt, là, puis que vous êtes du genre à, comme mettons moi là, ce matin, là, du moment que je me suis levée, ben, de toute façon, j'étais déjà dans mon lit avec les yeux ouverts depuis un bon bout, là, mais... Allumer toutes les lumières, c'est la première affaire à faire. Que... Même ouvrir le rideau. Oui. Si ça dépend de l'heure que vous vous levez, évidemment. Évidemment. Nous, on peut ouvrir le rideau parce qu'il fait noir. Mais ouais. En gros, la première affaire que je fais, c'est ouvrir la lumière. C'est une très, très bonne idée. Sinon, installez-vous un petit... Ah, ben oui. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Essayez de régler vos problèmes. Allez pas au lit immédiatement avec une idée en tête ou un questionnement. Allez-y, la tête vide. C'est difficile de se vider la tête, là, mais tout à l'heure, tu donnais l'exemple de faire du coloriage. On donne ici écrire dans votre journal. Donc, si jamais vous êtes du style à vouloir vous vider la tête avant de vous coucher, eh bien, vous pouvez écrire dans votre journal. Ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens font. On pourrait ramener ça. Il y en a qui ne le font plus depuis des années. Parce c'est que vrai. J'ai vu un mime une fois passer sur Facebook. C'était genre, tu te rappelles-tu dans le temps qu'on écrivait un journal intime puis qu'on voulait pas que les gens le lisent? C'est vrai. De nos jours, les gens l'écrivent sur Facebook puis ils chialent si les gens le lisent pas. Tout à fait d'accord. Écoutez de la musique de détente. Ouais. Donc, si jamais vous êtes du style comme moi à être très couche-tard et être très, très lève-tard pendant le temps des fêtes, bien, si vous avez de la difficulté avec votre train-train quotidien de revenir à une routine de sommeil assez normalement acceptable, eh bien, allez-y de ces quelques trucs-là. Ce qui est surtout difficile, c'est quand t'es pas capable. Moi, je suis incapable de me coucher si j'ai pas fini la tâche que j'étais en train de faire. Tu sais, ouais. Si mettons, je suis en train de travailler sur comme 125 nouveaux thèmes d'émission, genre, pour l'assemblage de... Puis que j'ai pas encore fini, puis qu'il est rendu 4h du matin. Ouais. Ben, m'a finir à 4h30 du matin, s'il faut, tu sais. Oui. Puis là, le lendemain, ben, tu te lèves à 2h de l'après-midi. Puis là, t'es à un jour de revenir au travail. C'est ça. C'est difficile de reprendre le beat après. Je dois t'avouer que, tu sais, quand on était jeunes, là, nos parents nous disaient, ouais, ben, compte les moutons. Te souviens-tu de ça? Ouais. Est-ce que t'as déjà compté les moutons? J'ai déjà essayé de faire ça. Je dois t'avouer que hier, je me suis rendue à 65, puis je me suis tannée, j'ai botté le dernier, parce que là ouais. Ça fonctionnait pas super bien. Moi, ça marche pas pour moi. Ce qui marche pas non plus, il y a des applications sur cellulaire pour, mettons, mettre un métronome ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais. T'es supposé te concentrer sur le va-et-vient du métronome, puis ouais. Demander de t'endormir. Okay. Ça fonctionne pas non plus. Ou du white noise, genre du bruit comme quand il y a de la neige sur la TV. Ouais. Ça marche pas non plus. Ah ouais, mais du là, white noise, problème, moi, ça m'énerverait du white noise. Moi aussi, ça m'énervait aussi. Mais bon. Mais je dois avouer que j'avais pas la tête vide hier soir lorsque je me suis couchée et j'avais bu deux cafés. Ah, deux cafés. Donc, à ça, quelle heure? Évidemment, ça n'a pas aidé. Eh bien, le dernier, je l'ai fini à 11h30. Fais pas ça. Non. Peut-être pas la meilleure. Mais je pensais que le belaise qu'il y avait dedans allait aller, là, mais. Et que t'es naïve, Tania! Ah, oh, ben oui, hein, Moses. Je me dis, côté alcool, ça va m'endormir. J'en ai pas mis assez, que veux-tu? On disait aussi train-train quotidien, le temps des fêtes, ça nous amène beaucoup de nourriture que peut-être la plupart du temps, on va pas être porté à manger en temps normal. Ouais. Tu sais, le gras de la tourtière, le gras de la farce, les petits sandwichs pas de croûte. Il vient un temps où tu dis, OK, mon foie puis mon estomac en a assez, là. Faut que je vide tout ça puis que je me remette à neuf. Parle pas de vider ton... Non, je suis désolée. Je suis désolée. Eh bien, j'ai deux recettes pour vous si jamais vous avez cette idée-là de remettre votre corps à zéro, ouais. Mettons, après les fêtes. Il y a une recette de jus, en fait, sur laquelle je suis tombée hier qui va nettoyer votre foie. Donc, si jamais vous avez abusé d'alcool pendant le temps des fêtes, Il y a quelqu'un qui a levé la main dans le studio, puis c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ah, on a un invité spécial. Qui ça? Alain! Danny! Ton ami imaginaire. Exactement. Mais ça va surtout nettoyer votre foie, mais tout l'intérieur surtout. Et aussi, si jamais ça vous dit, bien, ça peut favoriser la perte de poids. OK. Alors, je vais vous aider avec cette fameuse petite recette. On tient à vous dire que le résultat est quand même visible en 72 heures après consommation. Wow. Parce que vous devez le boire sur 3 jours. Mm-hmm. OK? Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas très, très compliqué. C'est du jus de 3 citrons. Donc, ça nous prend 3 citrons, une tasse de persil haché, frais, bien évidemment, 5 branches de céleri et 6 tasses d'eau. Comment vous le faites? En fait, c'est très, très simple. Vous mélangez le jus de citron, le persil et le céleri dans un mélangeur. Puis, par la suite, vous ajoutez l'eau et mélangez encore une fois. Donc, vous passez deux fois au blender, là, bien évidemment. Et vous buvez deux verres, trois fois par jour, avant chaque repas. Donc, du moment que votre estomac est vide, avant, tu sais, mettons, au lever, bien, avant de déjeuner, versez-vous un verre, buvez tout le verre, déjeunez par la suite. Même chose, je sais pas moi, peut-être sur l'heure du souper, tu sais, ça se fait peut-être moins bien si vous amenez un lunch au travail ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes du style à vouloir perdre du poids et remettre votre corps en santé après une grosse période des fêtes, vous avez passé du temps avec la famille, beaucoup de bouffe autour de la table, Eh bien, je vais t'avouer que je serais peut-être portée à l'essayer, celui-là. Ça a l'air simple, quand même, comme c'est méthode. Simple, c'est des ingrédients qui font pas peur. Mm. C'est, y a des gens pas de qui foie de morue là-dedans, je sais pas quoi. Ben, y a des gens qui disent que c'est très surette à cause des trois citrons. C'est bon, ça, surette. Mais ça. Moi, j'ai aucun problème avec les citrons, à part les ulcères d'estomac. Donc, si jamais vous êtes difficile à faire des ulcères d'estomac, faites attention, là. Mais on vous dit aussi de consommer cette boisson-là pendant 3 jours, comme je vous le disais, et de faire une pause de 7 ou 10 jours, puis de répéter l'action. Ah, une deuxième fois, mais après ça, c'est fini. Ouais, trois fois. On attend 7 à 10 jours, on le refait. Là, je sais pas si entre les deux, mettons, c'est là que ça va se voir. Ouais. Ou vraiment à la toute fin, mais en temps normal, en 72 heures, vous devriez voir les répercussions. Premièrement, j'imagine que vous allez vous sentir beaucoup mieux intérieurement, ouais, beaucoup moins lourd, et vous devriez voir aussi une perte de poids. Je sais pas si c'est immense, là, ça doit sûrement pas. Là. Pas là, parce qu'il vous avise de manger léger, hein. Allez pas manger un burger après avoir mangé ça. Ça s'auto-annule. Soyez c'est logique comme, un petit peu. Comprenez-vous, là. C'est ça. Peux-tu nous répéter la recette? Certainement, c'est 3 citrons, une branche de persil haché, 5 branches de céleri et 6 tasses d'eau. Parfait. Donc, on met le citron, le persil et le céleri au blender une première fois. On ajoute l'eau, on repasse au blender et là, ça nous fait un jus qu'on peut conserver pendant les 3 jours. Génial. Tu mets la recette sur la page Facebook? Certainement, je vais le faire. Et je vous disais aussi que j'avais une deuxième recette. Pour les gens qui sont moins style jus, eh bien, j'ai une recette de smoothie végé protéiné qui est une cure de détox après les fêtes, bien évidemment. Et j'ai trouvé ça sur le site trucsetbricolage.com. Ça m'a fait rire quand même parce que... ça fait enfantin un peu. Il y a de la colle peu. Dedans. Ouais. Non, des curpites. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Ça nous prend 2 tasses de lait de soya, 1 cuillère à table de graines de lin moulues, quand même assez facile à trouver en épicerie. Oui, puis sinon, elle a participé à l'échange de graines là, qu'on a eu au début de l'émission tantôt. Oui, exactement. Ça fait 1 heure et demie de ça, mais bon, c'est pas grave. Dans le mois de janvier, c'est là, ça. Maintenant. Une poire en cube. OK. Donc, une poire, déjà... Tu la cherches pas en cube. T'arrives pas à l'épicerie, genre, hey, je te prendrais une poire en cube, s'il te plaît. Ouais, tu sais, allez pas chercher les poires en cube en canne, là, parce qu'il y a du jus là-dedans. Là. Moi, je serais plus utile à vous acheter une poire et couper-la en cube. Oui. Juste ça comme ça. Une petite conserve de fèves cannellini. Cannelloni? Cannellini. Oui, c'est ça. Je dois avouer que je ne sais pas c'est quoi les fèves cannellini. Mmh. Ça, vous pouvez le demander, par exemple. Oui, j'imagine. 2 bananes congelées en morceaux. OK. J'imagine que c'est ce qui va venir faire très, très onctueux et crémeux le smoothie. Et 1 tasse de chou frisé et un petit peu de jus de lime. Chou frisé, comme Moss Lime nous a chanté tantôt. Oui, c'est ça. Plein de références à tantôt, là. C'est super le fun pour tout le monde. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un smoothie détox après les fêtes. En fait, c'est très, très simple. Vous mélangez tout ça dans le blender. Vous y allez jusqu'à une consistance smoothie, donc crémeuse et lisse. Puis vous dégustez. Ça ne me dit pas le nombre de fois que vous devez le faire, par exemple, mais j'imagine que vous y allez à votre propre dose. Si vous êtes du style à vouloir en boire un par matin jusqu'à temps que vous vous sentez mieux dans votre corps, ben allez-y. Au besoin, sinon. Mais tu sais, vous pouvez aussi la personnaliser un peu. Là, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, rajouter quelque chose d'autre. Puis... C'est sûr. Oui. Moi, je dois avouer que pendant le temps des fêtes, je me suis dit, ah mon Dieu, je suis une fille qui aime justement boire des smoothies puis ce genre de trucs-là en vacances. Ouais. Et je ne l'ai pas fait pendant le temps des fêtes et je dois t'avouer que ça m'a manqué. Ah. Ouais, je vais me remettre à boire des smoothies. Faudrait. Il y a tellement de choses que j'ai pas fait pendant les fêtes à cause que je suis malade. Ah oui, mais c'est vrai, toi tu le disais. Hein? Ouais. Mais un truc aussi, la plupart du temps, quand on est malade, c'est d'extérioriser toute cette espèce de... J'ai pas le goût de dire toxine parce que je suis pas sûre c'est non, de la toxine. Ouais. Mais le méchant, sortir le méchant, comme ils disent, par de l'exercice. Ouais. As-tu d'autres choses que de l'exercice? Non, Mathieu. Ah. Là, je dois avouer que je suis triste. Parce que pendant le temps des fêtes, les patinoires étaient tous fermés. Ben ouais, mais la dernière fois qu'on s'est vus, là, littéralement... Il faisait 16 degrés. Il faisait 16 degrés. Je sais, je m'en souviens. Et il y a eu quoi, 2 semaines entre les deux? C'est hein? ça. Là, je tiens à vous dire que ça a l'air que les patinoires sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. OK. Dans la ville de Trois-Rivières. Donc, si vous êtes du style à vouloir patiner à l'extérieur, jouer au hockey, il y a des gens qui peuvent faire de la raquette. Bien évidemment, on a la température pour. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais quand même, il peut faire de la raquette, j'imagine. Mm-hmm. Traîneau à chien, mais là, ça, si vous avez juste un chien, peut-être que ça ira pas super bien. Il y en a aussi qui aiment aller au gym. Moi, je dois t'avouer que je recommence à aller au gym dès aujourd'hui. Ah. Ouais. Et là, je dois vous parler d'un gym parce que le problème en revenant du temps des fêtes, c'est que bien souvent, on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'on a tout dépensé dans les cadeaux, dans les cadeaux, dans les décorations, dans le linge qu'on met. dans bouffe. Alors, en fait, c'est Econo Fitness. Ouais. C'est au Cap de la Madeleine. Ça coûte 120$ par année ou 10$ par mois. Pas cher. C'est vraiment pas cher. Mais les commentaires sur Econo Fitness sont « ça vaut ce que ça coûte ». Ben, ça vaut ce que ça coûte. C'est toi, en fait, qui fait ton propre programme. Et il y a différents programmes aussi. Le plus bas est à 120 par année. Mais si jamais vous voulez avoir plus d'options en salle, bien, vous pouvez y aller pour, mettons, 150$ par année. Puis là, vous allez avoir, exemple, un cours de groupe par semaine. Mmh. Donc, vous allez pouvoir faire du spinning une fois par semaine si vous payez 150$ par année. OK. Mais c'est un très bon démarreur. C'est ça. Tout de suite après les fêtes, si jamais vous vous dites « j'ai pas beaucoup d'argent. » Est-ce que tu penses qu'ils ont ouvert ça genre dans ces mois-là parce que ça vient d'ouvrir, ça, Econofitness? Bien, non? Oui, mais c'était en construction. Ça a été en construction pendant quelques mois. Ouais, là. Parce que sûrement que c'est justement, ils savaient que le 1er janvier, après le 1er janvier, les gens viendraient s'inscrire à la tonne. Fait qu'ils sûrement. Ont, ça a du sens, là. Je dois comme quand tu ouvres un stand à crème glacée, tu l'ouvres pas genre au mois d'octobre, tu sais. Non, ça, mettons, c'est sûr. C'est ça. C'est certain. Ouais. Mais je dois avouer que le concept est excellent parce que la plupart du temps, ce qui va... Ben moi, personnellement, ce qui va m'énerver, c'est d'aller au gym puis de me faire regarder selon l'entraîneur que je vais avoir puis ce qu'il va me faire faire. Si je vais tout seul, puis si tout le monde y va tout seul, ben tout le monde mind their own business. Ouais. Hein? Fait que tout le monde s'occupe de leur propre affaire et ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce que j'aime bien avec le concept d'Econo Fitness. Ça coûte pas cher. Tu veux, là, tu veux faire du tapis, il fait du tapis. Tu veux faire de la muscu, il fait de la muscu. That's it, that's all. Puis si c'est pas propre, puis c'est pas bien entretenu, comme les commentaires ont l'air de le dire, ben tu passes un petit linge dessus, puis c'est correct. Hein? Je dois avouer que j'ai regardé les commentaires d'Econo Fitness Trois-Rivières. OK, OK. Et les commentaires étaient très, très bons. Ça vient d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir. Ouais. Je dois avouer qu'il y a un Econo Fitness à Laval, c'est sûr que... Un petit peu délabré, peut-être un peu. C'est peut-être un petit peu différent. Ça fait plusieurs années que c'est ouvert à Laval. L'équipe de gérance ne doit pas être la même non plus. Ils ne doivent pas changer le stock à toutes les deux mois, mettons. Ça. C'est ça. Mettons. Puis c'est à Laval. Ouais. Hey! Fais pas une controverse, tu vas finir sur la liste de 2016 de Sébastien Gertin sur les pires niaiseries dites. Ouais, c'est ça. Dans la non, mais là, excusez, mais Laval, c'est... C'est pire que Québec. Je vais arrêter là. Arrête là. Oui, c'est la capitale du douchebag. Hey, en tout cas, fait que mais je dois avouer que moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu agacée quand que je me suis inscrite là-bas, c'est que je me suis informée à savoir s'il y avait des douches et si les Et pas de bagues, là. Non, mais... juste des douches. Ouais, c'est ça. Et si les vestiaires étaient très propres, on m'a informé que les vestiaires étaient très, très propres. Ils viennent d'ouvrir. Mais que les douches sont coûtantes. Ah, ben oui, mais c'est sûr. Oui, ben oui. Mais c'est là qu'il y a... Ben oui. C'est normal en même temps. Pour vrai. Deux piastres pour 4 minutes. Ah, c'est parfait. Ah oui, ça va. Va prendre ta douche chez vous à place. Ben oui, exactement. C'est ce qui va se passer. Sauf que par contre, à cette température-là, tu sors dehors, t'as les cheveux tout mouillés parce que t'as sué pendant 45 minutes. Forte chance que tu poignes la grippe. Hein? OK, ouais. J'avoue. De ce côté-là, c'est un petit peu plus. C'est un peu plus plate. C'est sûr. Mais si vous mettez une tuque sur la tête pour sortir par la suite, aller chez vous, vous lavez. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ben oui. Donc, Econo Fitness, si jamais vous êtes du style à vouloir aller au gym et ne pas payer cher, allez dans votre propre propre programme, mettons. Bien, allez faire un tour sur la page Facebook. Hein. C'est pas très, très compliqué. Cool. Puis c'était mes trucs pour faire comme une espèce de détox ou revenir du train-train du temps des fêtes dans notre train-train quotidien. C'est réussi, ça, Tania. Merci, Mathieu. On t'amène en chanson. Oui, je me suis dit, quoi de mieux qu'une toune qui parle de revenir à la vie après le temps des fêtes, parce que bien souvent, on sent KO, hein, mm-hmm. Et c'est Back to Life de Wolfgang. Over, I decided to leave a part of me aside to find how I'm older. I wanted to keep my love alive. I walked my share of daddy's streets. I held my head, I kept my feet. Now I'm alive. Started to raise the fire high at night. And Wolfgang avec Back to Life au 89.1 FM. Mm-hmm. C'était Tania et Gunnar et Tania. On fait ça tous les matins à Assemblage Rocky. Merci Tania. Ça fait plaisir. Il nous reste encore une dizaine de minutes à l'émission et je vous ai promis qu'on achèterait des gadgets inutiles pour commencer l'année. Donc voici, ça existe mais ça ne devrait pas là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets ridicules à se procurer sur Internet. Et on commence avec une chaise, en fait. C'est comme une chaise. Comme une chaise. C'est comme une chaise, mais à la place d'avoir une chaise pour t'asseoir. Ouais. Tu sais, mettons, quand t'arrives à la maison chez vous le soir, là, tu vas lancer ton manteau, ta sacoche sur une chaise. Ouais. Bon. Mais ici, c'est une chaise, mais en barreau, un peu comme un rack à linge. OK. Pour suspendre ton linge. Donc, c'est vraiment une chaise que tu mets dans ton entrée, par exemple. Elle n'est faite que de barreaux. Et tu sacs tes vêtements dessus, ta sacoche et tout ça tient comme faut. Ah, oh, ouais! C'est quand même une pas pire idée. C'est très, très, très pas pire. Ça coûte 140$. C'est la Sacrificial Chair, donc une chaise que tu sacrifies. C'est par Thing Industries. Oui, un rack à linge en forme de chaise. Moi, j'aurais préféré s'il y a mis des barreaux tout le long de la chaise, sauf que là, ça aurait fait que les gens se seraient assis dessus. Ouais, j'avoue. Fait que probablement qu'ils sont mieux de ne pas avoir fait ça. J'aime beaucoup l'idée. Ensuite... c'est pour vrai, apparemment que ça existe pour vrai. Vous savez que c'est la grosse mode du Star Wars en ce moment. C'est des condoms. Oui. Ouais, des condoms avec des imprimés Star Wars dessus. Êtes-tu sérieux? Oui. Donc, il y avait eu un concept il y a quelques années de ça. Là, maintenant, c'est apparemment un vrai produit qu'on peut acheter chez Graphic Armor, une compagnie qui se spécialise dans l'impression personnalisée de condoms. Donc, c'est rempli de plein de choses, comme des citations de Vader et de Yoda. Hey man, Yoda, ça doit être très drôle, hein? Yoda, c'est « Do or do not, there is no try ». l'autre, c'est « Saber Skins ». Donc, « Saber Skins », je crois que c'est peut-être le nom de la marque de ouais, mais Vader, ça dit « I will not be your father ». C'est bon, ça, je ne serai pas ton père. Je ne serai pas ton père. Donc, des citations des personnages de Star Wars chez Graphic Armor, Custom Imprinted Latex Condoms. Donc, évidemment, ce sont des condoms de latex. On reste avec Star Wars. On peut acheter la force en pot maintenant, la force en bouteille, nous dit-on. C'est Hallmark. Donc, The Force in a Jar. C'est à 100% de votre dose recommandée quotidienne de force, bien sûr. Je sais pas si ça se mélange avec de la vodka, comme demande l'article, j'en ai aucune idée. Je sais pas. En fait, c'est pas un drink du tout, c'est que quand t'appuies sur le dessus de la bouteille, Yoda apparaît et te donne des petites perles de sagesse sur la bouteille. Donc t'appuies sur le bouton qui est le bouchon en haut de la bouteille. Ouais. C'est comme un bouton-bouchon. Tu appuies dessus et sur le centre de la bouteille, là où il y a l'étiquette, Yoda apparaît en hologramme. Et ça te dit des petites citations. Donc ça dit « The Force is strong with this one ». Et puis ça dit « Tel que vu dans une galaxie loin de chez vous ». Master Yoda sait que même les plus grands Jedi ont besoin d'un boost une fois de temps en temps, donc appuyez sur le bouton et sentez la force autour de vous. Et « Guarantee your satisfaction is ». Garantie votre satisfaction est. Hein? Ouais, bon. On aime ça, c'est du Yoda tout craché. 15,95$ pour acheter cette force en bouteille. Ensuite, on reste avec Star Wars encore une fois. Est-ce que tu paierais 25,000$ pour un stylo sabre laser, sabre lumineux? Pas certaine. Bon. Mais s'il évitait? Maintenant, combien paierais-tu? Hein? Peut-être. Voilà. Donc, 25,000$. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher que ça? C'est ST DuPont Paris. Qui va seulement fabriquer 8 de ses stylos avec soit Yoda ou Darth Vader comme couleur de sabre lumineux. Que ça va se vendre. Ah, ça va tellement se vendre. C'est sûr. C'est fabriqué en bronze avec une laque noire et un fini en palladium et rhodium. Le capuchon, le capuchon du crayon, du stylo, est garni de cristaux de topaze disponibles en rouge ou en vert pour représenter la lame du sabre lumineux. Et bonus, le crayon a un stand, comme on a dit, qui flotte dans les airs. Donc littéralement, ta base est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octogonal, par terre sur ton bureau. Ouais. Et ta petite pastille ronde, dorée, flotte dans les airs avec ton sabre lumineux snappé dessus. Ah ben, Moses. C'est cute, hein? Ouais. Encore une fois, 25,000$. Maintenant, pour les parties pyjama, ton prochain party pyjama, Talia, tu vas pouvoir inviter ton animal de compagnie non existant. Oui, j'ai un animal de compagnie, j'ai un chien. T'as un chien, c'est vrai, t'aimes pas les chats, mais t'as un chien. Exactement. Bref, peut-être que tu voudrais que ton... Est-ce qu'il est petit? Oui, quand même. Bon, donc que ton petit chien dorme avec toi, mais pas sur le lit, parce que tu veux pas avoir de poils de chien, ou encore dans mon cas, de litière de chat. Ah, oui. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un lit, avec un lit pour animaux intégré. Okay. C'est un design d'une firme brésilienne, Colchão Inteligente Postural. Donc comme ça, on peut toujours dormir avec son animal de compagnie près de soi. Donc je vous explique la base de lit. Tu sais, la base de lit un petit peu matelassée, là, comme on connaît. Qui surélève ton matelas. Donc dedans, il y a un petit genre d'enclave, si on veut, avec un petit rideau qui peut être accroché sur les coins ou pas accroché pour laisser ton chien dormir en arrière de ce rideau-là. Hein? Mm-hmm. Et c'est vraiment un petit matelas qui est à l'intérieur en enclave de ton matelas. Est-ce que c'est clair? Je dois avouer que mon chien rentrerait dû à sa grosseur. Voilà, ben c'est fait pour les petits animaux. C'est surtout fait pour les chats, mais les chiens, ça fonctionne aussi. Même que je pense que c'est un chien qui est dans la photo. Oui, il y a 2-3 chiens. Moi, c'est juste des chiens. En fait, on dirait vraiment un toutou. Ouais, la première photo, je crois que c'est un toutou. Et j'aime aussi les petits rideaux vraiment comme en soie, en genre de dentelle. Qui sont, je crois, velcrotés, je pense. Et on peut attacher ou détacher les côtés. Voilà. C'est vraiment très, très mignon. Un petit lit pour votre chien dans votre lit. Ensuite, la mode est au bacon depuis des années. Je pense que ça finira jamais, la mode du bacon. Ouais, je pense que non. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu au bacon? On a eu de la crème glacée au bacon, du savon au bacon, de la vodka au bacon. Donc, on a eu beaucoup de choses. Mais... Est-ce que tu es prête à passer au prochain niveau en t'achetant des sous-vêtements qui sentent le bacon? Pas certaine. C'est J&E Foods, ceux qui fabriquent aussi le sel au bacon, qui essaient donc d'entrer dans le domaine. C'est des scratch and sniff. Non, mais ça dit stop and smell de bacon sur le sous-vêtement. Ouais, je sais. J'ai remarqué, mais tu sais, si c'est pas des scratch and sniff, ça veut dire que tu sens le bacon en permanence? Dans ton entrejambe, oui, c'est ça. Mais il faut que tu enlèves tes pantalons, évidemment. Je suis pas sûr que je serais à l'aise. Ça dit, donc, selon un communiqué de presse, que le sous-vêtement est fabriqué avec State-of-the-Art Moisture Wicking Scent Emission Technology stolen from NASA. Ben donc, oui. Ça empêche l'humidité et c'est une technologie d'émission d'odeur volée de la NASA, disent-ils. Sais vraiment pas. Tu sais, t'arrives dans un restaurant, il y a quelqu'un qui dit « Hum, tu sens dans le bacon. Ah ouais, excuse, c'est moi, c'est mes sous-vêtements. » Ou t'as vraiment genre, tu sais, comme ceux qui ouvrent leur trench coat, mais à la place, ils ouvrent leur pantalon. Ouais, genre. Veux-tu du bacon? Stop and smell the bacon. Need some bacon? Je suis pas certaine. On dit que ça va supporter plusieurs lavages. Ça peut durer jusqu'à un an, dépendant de votre... Quand même. Votre fréquence de lavage de sous-vêtements. Donc voilà, c'est sur le site web de J&D sur baconunderwear.com, comme assez simple à retrouver. Tu sais, c'est une bonne blague à faire à quelqu'un qui tripe vraiment cool sur le bacon, mais... Tu sais, vas-tu les... Moi, personnellement, Mathieu Plante, je pense pas non. Non, hein? Avoue, t'as comme une limite que tu peux pas dépasser, puis ça étant la limite. Et je me demande à qui je ferais sentir ça aussi, là. Mais tu sais, c'est parce qu'à moins que tu dises que t'as maintenant un parfum odeur de bacon... avouer que c'est tes sous-vêtements qui sentent le bacon. Je trouve que c'est malaisant. C'est malaisant de quand quelqu'un te demande la couleur de tes sous-vêtements. Ouais, mettons. Pas sûr pour l'odeur, ça. En tout cas. Non. Bref, on va rester dans le stupide un peu, genre de magasin ridicule de cadeaux joke poche à donner. Là. Pourquoi ne pas donner une télécommande? Oui, je sais que je parle de cadeaux encore et on est après Noël, c'est pas notre diffusion. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une télécommande. Il y a pas qui s'en vient, c'est ça. C'est connu, on va donner une télécommande ouvre-bouteille à Pâques, c'est la tradition dans ma famille. Donc la TV Remote Control Bottle Opener. Donc pour vous sauver quelques voyages dans la cuisine, en regardant la télé, en voulant vous ouvrir une bière que vous gardez dans votre petit réfrigérateur à côté de votre divan, bien sûr, qui sort de petite table aussi. Uh-huh. Donc, c'est un outil, une télécommande multifonctionnelle qui est compatible avec la plupart des appareils et qui a aussi sur le côté de cette télécommande bleue un ouvre-bouteille. Donc, belle petite télécommande, là, tout ce qui est plus classique, là, ça fait cheap un peu, là, comme les télécommandes universelles classiques. Mettons. C'est ça, c'est classique. 25$ pour ça. Classique. 25$. Ensuite, on a parlé d'odeur tantôt de bacon. À la place de se tartiner du bacon dans l'entrejambe, pourquoi ne pas vous tartiner peut-être? En fait, vous n'allez pas pouvoir le tartiner parce qu'il va falloir que vous la fassiez fondre dans votre entrejambe et ça pourrait être un petit peu malaisant. Hein? C'est une chandelle qui sent les vieux livres, Tania. Ah, oh, mais oui, évidemment! Oui, donc une chandelle au soya, Book Lover's Soy Candle à senteur parfum de Old Books par Frostbeard Studio. Hein? Okay. Donc, ceux qui aiment l'odeur des vieux livres... Ça, je dois avouer que l'odeur doit être très bonne, mais tu sais, je me mettrais pas ça dans notre jeu non plus. Non, mais tu sais, il y a des gens qui ont des fantasmes de se faire fondre des chandelles dessus. Quoi? C'est vrai, tu regardes pas mon étrange dépendance, puis ça paraît, toi. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui ont cette étrange dépendance, mais... Mais pas toi. Moses, ça doit faire mal. Et calme que oui, mais tu sais, t'as plus de poils après. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Ensuite... on va revenir à boire maintenant. On va boire un petit peu avec un verre en boule disco. Oh! C'est vraiment cool. Donc, c'est ça. Buvez tout en montant la musique au maximum et faites la fête avec style. Ça va te looker, ça. Ça n'aura même pas de bon sens. Hey, c'est Disco Ball Cup. Ah oui. Terrible. Donc, c'est un verre en forme de boule disco qui peut évidemment contenir la boisson de votre choix et l'extérieur est miroité. Ça brille. C'est shiny. Shine bright like a diamond. Et puis, pas sûr si c'est beau. Non, c'est pas très beau. Il y a un trou sur le dessus pour mettre ta paille, un peu comme une noix de coco. Moi, je me dis, ça ressemble vraiment à une mauvaise joke de noix de coco. Je sais pas qui veut boire là-dedans, mais bon, on peut twister. Dans le fond, la boule disco s'ouvre en deux. Oui. Donc, tu peux mettre de l'eau avec des glaçons, du citron, par exemple, refermer ta boule. Là, évidemment, t'as juste la moitié de la boule de remplie. La moitié, ouais, c'est ça, c'est comme ses poches. Faut que tu revisses ton couvert, fait que t'as juste la moitié de ta boule. Mais après ça, peut-être que tu peux en rajouter par le trou. Ah, peut-être. Comme dit le slogan, rajouter ça par le trou. Oui. Hashtag. Ensuite, on reste dans les boissons. Votre barista préféré peut-être fait des formes dans votre... barista préféré, mais ceux qui ont de barista préféré peuvent peut-être faire des formes sur ton drink. Oui. Hey, ça, c'est hot. C'est le fun. Donc, pour vous réchauffer à l'intérieur, vous avez droit maintenant à des guimauves en forme de petits flocons de neige. Oh. Donc, c'est comme si vous aviez eu un dessin dans votre verre, dans votre tasse, sauf qu'à la place, c'est une guimauve. Donc, vous pouvez manger le dessin. Oh, c'est cute. On s'entend que c'est vraiment le fun. Donc, c'est un emballage de 6 flocons de neige. En fond, c'est des guimauves en forme de flocons de neige. C'est fabriqué à Toronto, ici même, au Canada. Ah, oh, ouais, au Canada. Avec un petit peu de vanille tahitienne. Ça m'aurait surpris qu'ils inventent ça en Thaïlande. En Thaïlande, ouais. Hein. C'est vrai. Petit flocon de neige. J'avoue. Ça fait penser un petit peu. Il aurait pu prendre l'opportunité de les faire à l'érable en forme de feuilles d'érable aussi. Ah, je leur peut-être conseille que ça va venir. Pour les prochains. Pour les prochains. Mais de la marshmallow à l'érable. Ah, miam, non? Mais ça s'est jamais vu. Je sais pas, mais j'en mais veux. Mais dis-le pas. Mais arrête de dire tes bonnes idées. C'est pour qu'ils en fassent. Moi, je sais pas comment faire des guimauves. Fait que si les gens écoutent la radio puis veulent en faire puis les envoyer à l'adresse QTR, Pavillon des Rébeauchemins, aux soins de CFU 89 FM, au nom de Mathieu Plante, vous avez le droit. On aimerait bien y goûter. On continue. Pas à Mathieu Plante, à la guimauve. Non, ouais, c'est ça, à la guimauve. Quelques derniers, là, je vois que le temps avance, là, mais je voulais parler d'une machine distributrice de Jelly Belly. Ouais. Tu sais, les distributrices de Jelly Bean, finalement. Mm-hmm. Que vous aimiez les Jelly Bean plus que n'importe qui d'autre, que vous ayez une dent sucrée, là, vraiment. Il vous faut l'Ultimate Jelly Bean Vending Machine. Oui, c'est une machine grandeur réelle, donc taille d'une machine distributrice normale. T'imagines à quel prix ils vendent ça? Ah, attends un peu. On peut fournir jusqu'à 100 livres de Jelly Belly en 5 saveurs remplissables si vous arrivez à vider votre machine, évidemment. Avec 5 silos de verre pour montrer les saveurs de Jelly Bean. 350 verres de Jelly Bean pour les servir, évidemment. Tu vas pouvoir le petit cop, là, si on veut. Et un bras robotisé pour venir chercher des Jelly Beans. Oui, OK, ça a l'air vraiment cool. Ouais. Mais en même temps, combien paierais-tu pour ça? Hey, sérieux, faut vraiment que t'aimes les jelly beans. Mais qui n'aime pas les jelly beans? Mais ça doit être déjà, j'ai tellement dispendieux. Attends un peu, on peut shipper au Canada? C'est-tu de la même grosseur qu'une machine à coke, mettons? C'est la grosseur d'une machine distributrice, nous dit-on. Tabarouette, ah, OK. Ah non, OK, on peut pas commander au Canada, celui-là. OK, mais là, je dis que ça vaut genre 2000$. Il faut téléphoner pour avoir un estimé. Bon, me semble bien aussi. Pour pouvoir commander. Tu sais, ils doivent te demander si t'es un centre d'achat, si... Mais c'est garanti un an. Juste ça? Oui. Il y a une politique de retour aussi, de remboursement. Ouais. Ouais. La vitre à l'avant est impossible à détruire. Donc oui, probablement que c'est plus pour une boutique ou pour un magasin, quelque chose comme ça. Mais pourquoi pas? Si vous voulez l'acheter, que vous êtes assez riche pour l'acheter pour chez vous, pourquoi pas? Appelez-les. La chasse devrait s'acheter ça. Mais hein, 1-855-868-8551. Si jamais vous voulez une machine distributrice à Jelly Bean. Voilà! Ensuite, on revient au breuvage. Tu sais, quand tu transportes tes tasses là, pour un party, n'importe quoi, tu veux servir peut-être du rum and coke dans des tasses. Oui. Là. Bon, ou un chocolat chaud, peu importe. T'as de la misère à transporter trois tasses en même temps parce que t'as juste deux bras. Ça, c'est vrai. Évidemment, on parle pour ceux qui ont deux bras, là. Bref, peu importe. Mais vous pouvez maintenant claquer vos tasses ensemble avec ces Interlocking Coffee Mugs. Ah, ça, c'est hot. Donc, chacune des tasses a un petit plus en céramique qui ressort du côté. C'est des tasses blanches, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et il y a un petit plus en céramique qui ressort. Et chaque tasse a aussi un trou en forme de plus qui rentre dans la tasse. C'est comme... c'est ça. Comme ça s'interbarre l'un l'autre. C'est vraiment hot. Vraiment très bien. En céramique, design fonctionnel pour lier vos tasses ensemble. Je trouve ça vraiment cool pour 45$ pour l'emballage de 3 tasses. C'est bien ça pour 3 tasses? Oui, 3 tasses, voilà. Faut juste pas que ça se défasse assez facilement. Hein? Le plus est quand même assez bien sorti. C'est sûr qu'il va falloir clencher un petit peu tes poings ensemble. Ouais. Tu vas pas y aller genre dans les airs. Non. Faut quand même relativiser le fait que c'est barré ensemble, mais c'est pas barré avec une combinaison. Ouais. Donc voilà, c'est Link Mugs que ça s'appelle. Ensuite, je finis les 3 derniers puis on a fini là, OK? 3 derniers. Je voulais juste en faire un chiffre égal. C'est 15. On a 15 à faire. Donc, un bébé hamac ou un hamac pour bébé. Ouais, parce que... C'est ça, pas un bébé hamac. Tu peux te coucher sur un bébé dorénavant. Non. Donc, pour montrer à votre bébé comment paresser, parce que si tu veux vraiment éduquer un paresseux... Ça ressemble au même genre d'hamac qui existe pour les chiens ou les chats. Et pour les pieds aussi, un peu. Ouais. On a parlé de ça, de la marque pour pieds et de la marque pour animaux par le passé. D'accord. Donc, ça pèse seulement 7,5 livres. C'est un hamac de coton naturel qui va se balancer très doucement pour endormir votre bébé, tout en les gardant en sécurité et confortable pour 131,49 $ américains. Mais c'est un prix de fou pour un hamac, ça. Hein? Ouais. Ensuite, l'ultime serviette de gym. C'est un accessoire de fitness révolutionnaire. Si les gens veulent aller essayer Econo Fitness, comme tu as mentionné dans ta chronique tantôt, donc, il y a une clip magnétique, un zipper universel, une poche de 4 pouces par 15 pouces. Là, on parle encore dans une serviette. Là. Un filet sensible au tactile. Donc, tu peux mettre ton iPod ou ton iPhone dans ta serviette et tu vas pouvoir toucher à ton iPhone, tu comprends? Le tactile va rester. Ah, hein? OK, ouais. Dans une poche qui empêche évidemment ton iPhone de tomber par terre. Et il y a un côté gym et un côté pour la peau. Donc, tu vas savoir que... ta peau ne devrait toucher qu'au côté qui est fait pour la peau. L'autre côté n'est pas du même tissu. Ça coûte 34$ pour cette serviette ultime pour le gym. Ah, quand même. Et finalement, des souliers avec de l'encre électronique sur le côté. C'est les Shiftwear Sneakers qui ont fait le tour d'Internet pendant les fêtes, donc avec la technologie e-ink. Vous allez évidemment dépenser une fortune si vous voulez avoir plusieurs sortes de souliers. Bien des gens en seront... témoins oculaires qu'ils ont acheté beaucoup de souliers à travers leur vie. Ici, c'est des panneaux qui changent à la place. Donc, le soulier reste le même soulier et les panneaux extérieurs changent avec de l'encre électronique. Donc, on peut charger ça sans fil ou avec chaque pas que vous prenez, ça va charger votre écran sur le côté. On peut choisir des images noires et blancs. Ça consomme absolument aucun courant jusqu'à ce que vous changiez l'image de nouveau. Donc, quand l'encre électronique est affichée, pendant le temps que l'image est affichée, ça prend pas de batterie. Tu comprends? Ça prend pas de courant. Okay, ouais. Seulement quand tu changes l'image. C'est à l'épreuve de l'eau, ça peut être lavé à la machine. Oui, à la laveuse. Les semelles sont garnies de Kevlar, de fibres de Kevlar. Ça résiste à tout ce qu'on peut lui envoyer en température normale, j'imagine, sûrement pas l'hiver. Donc, on n'aura pas besoin de constamment les changer non plus, les souliers, parce qu'ils ne seront pas nécessairement brisés après après le temps que dans le fond, qui vont durer. Là. Ça va durer plus longtemps que ça devrait durer pour un soulier cheap, mettons. Ouais, mettons. Si on veut. L'application qu'on utilise pour mettre à jour le design sur le soulier est ouverte à la communauté. Donc, on peut contribuer des designs pour aucun argent. C'est gratuit. Il y a aussi des façons de payer pour, je sais pas trop c'est quoi la raison de payer. C'est pas écrit dans l'article. Ça vient en version high top, medium top et low top, là, tu sais, qui va en haut de la cheville, à la cheville, en bas de la cheville, etc. Oui, oui, oui. Il y a une version Special Edition M1 classique qui a l'extérieur au complet et garni d'encre électronique, donc on peut même changer le rebord et tout ça. L'extérieur au complet de votre soulier. Une très très bonne idée. Donc Shiftwear, un produit assez intéressant pour 150$ sur, je crois que c'est Kickstarter. Ça peut monter jusqu'à 1000$ pour la version limitée. La campagne a déjà reçu ses fonds au complet et on devrait envoyer ça à l'automne 2016. Donc le Shiftwear, c'est bien sûr. C'est Indiegogo, pardon. Donc cherchez Shiftwear sur Indiegogo, le lien sur assemblagerequis.com. Vraiment cool de changer de design de soulier en noir et blanc. Je trouve ça absolument beau. Et tu préfères vraiment du design un petit peu 8-bit dessus. Ben ouais. Un petit peu graffiti si tu veux. Tu peux faire plein de sortes de design. Voilà. C'est tout. Hey, j'ai pris du temps dans cette chronique-là. C'est pas grave. C'est le fun. T'as le droit. On a personne après nous. Que voulez-vous? C'est comme ça. Encore une fois, assemblagerequis.com pour les liens et nous, ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui d'Assemblage Requis. Merci d'avoir été à l'écoute. On remercie Sébastien F. Gertin pour sa chronique Bulletin Gertin. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve demain et demain, on sera jeudi. On va avoir une invitée spéciale qui va venir nous rejoindre. On va aussi faire une grosse pointe en dresse dans l'émission de demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes aujourd'hui, évidemment, le Dîner de con va être là à 11h pour sa première émission de la saison. En fait, lui, il n'y a pas eu d'émission pendant les fêtes du tout, donc première émission depuis un maudit bout. Ensuite, à 15h, le Mathieu Plante Show, à 17h, Audiomatique, à 20h, Radio Sonic pour de la musique variée. Donc soyez là. J'ai oublié de dire que le Mathieu Plante Show, c'est moi qui l'anime. Hein? Ouais, ouais, c'est vrai ça. Je sais pas, je vais être capable d'animer une émission complète cet après-midi. Ou si ma sinusite va me mettre knock-out encore. On verra. Mais non, tu vas survivre. On verra. Merci encore, Tania. Ben, merci, Mathieu. À demain avec encore plein de nouveautés. Tout le mois de janvier, c'est épique. Plein de nouveautés, plein de nouvelles chansons thèmes. Soyez-y demain, 6h30. Bye bye. Bye. Thank you.